سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم وحياكم الرحمن dans le salon du cours de Aqida, comme chaque mercredi, bi'idla azza wa jal. Nous sommes toujours avec l'Aqida al-Wasitiya. Nous sommes toujours avec l'Aqida al-Wasitiya de Cheikh l'Islam, rahimahullah, expliqué par Cheikh al-Uthaymin, Allah yirahmo. On revient comme toujours. Avant cela, je dirais que, inshallah ta'ala, nous sommes le 3. Nous sommes le 3 d'Ul Hijja 1428, c'est-à-dire le 12 décembre 2007, bi'idla azza wa jal. Comme toujours, on commence par une révision avant de commencer, inshallah ta'ala, le nouveau dars. Si vous vous rappelez, dans le dars passé, on parlait de la patience. On parlait de la patience et on avait dit que la patience se divisait en trois sortes. La première sorte, on devait être patient, ou disons la patience pour faire les obligations. La deuxième sorte, la patience pour s'éloigner des interdits. Troisième sorte, la patience en ce qui concerne la prédestination. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, que ce soit le bien, que ce soit le mal. Coran et Sunna, si tu peux écrire les trois sortes, écris-les, inshallah ta'ala. La première sorte, on patiente pour qu'on fasse ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligé de faire. Deuxièmement, on patiente pour ne pas faire des péchés. Troisièmement, on patiente pour gagner le destin, pour ce qui nous arrive, ce qui a un rapport avec le destin. Bi'idnillahi azza wa jal. On va parler un peu de la première, très vite. On avait dit que pour que le musulman, le croyant, face à ses obligations, il doit être patient, car son nefs et son âme ne lui obéit pas facilement. Notre nefs, notre âme ne nous obéit pas facilement pour qu'elle obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est toujours plus ou moins difficile pour elle de faire des obligations, de se lever, d'aller faire les ablutions, de jeter la couverture pour se réveiller et faire ce que Allah Ta'ala aime, comme la prière de la nuit, etc. Faire sortir l'aumône, l'argent que ça fait presque une année que je suis en train de, d'amasser, maintenant je dois donner de l'aumône, subhanallah l'adim, c'est pas facile. Tayyib, Coran et Sunna, tu as écrit une seule partie. Je répète, la patience dans ce que Allah Ta'ala nous a obligé de faire. La patience pour s'éloigner des interdits. Et la patience dans la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais donc que ce n'est pas facile pour faire les obligations, mais encore faut-il avoir assez de patience, bi'idna ta'ala, pour les faire. Naam. La deuxième sorte de patience, c'est patienter pour s'éloigner des interdits et ne pas faire le haram, ne pas faire ce que Allah Ta'ala ne veut pas qu'on fasse. Ça aussi, ce n'est pas facile. On a quoi? On a notre nefs, qui, on lui a pas fait le djihad, donc elle se rebelle contre nous, elle est contre nous. Elle est là, entre nos flancs, et c'est elle qui veut commander, subhanallah l'adhim, la nefs. Si tu lui donnes pas une tannée, et tu te rebelles contre elle, c'est elle qui va guider. Et bien sûr, guide à Jahannam. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. قَدْ أَفْلَحَ a réussi, a triomphé, مَنْ زَكَّهَا, celui qui a fait la zakat de son nefs, c'est-à-dire il lui a fait le djihad, elle est devenue zakiya, masha'Allah, elle est là, toute obéissante. C'est comme si on avait, subhanallah l'azim, un grand serpent entre nos flancs. Il est là toujours à vouloir nous mordre. Allah l'adim. Il faut lui faire le djihad jusqu'à ce que ce serpent devienne comme quoi? Devienne comme un petit lapin. Très doux, masha'Allah. Très doux, masha'Allah. Sinon, c'est lui qui va nous mordre et nous va faire beaucoup de mal. Je disais que, ajoutez à cela, les shayatins qui vivent avec nous et qu'on vit avec eux. Ajoutez à cela les tentations et les passions. Naam. Ajoutez à cela le vrai shaitan. Je parlais du shayatin, des êtres humains et le vrai shaitan. Naam. Tout cela donc, pour que je ne fasse pas l'interdit, il faut que je combatte tout cela. Masha'Allah. J'ai des ennemis qui sont là, qui voudraient me faire rentrer en enfer, et moi, je dois faire le djihad du matin au soir pour ne pas sombrer et pour ne pas tomber dans les péchés. Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit afdalul djihad, djihadul nafs. Il a dit que le meilleur des djihad, c'était quoi? C'était de faire le djihad du nafs. Naam, du nafs. Car si tu ne peux pas encore faire le djihad à ton nefs qui est entre tes flancs, comment vas-tu faire l'autre djihad? Naam. Donc, toute personne qui dit que je ne peux pas et les péchés sont et les tentations sont plus grandes que moi et je suis faible et je suis ceci, on lui répond, mais attention, est-ce que c'est de la faute d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien c'est ta faute? Naam. S'il va dire c'est la faute d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il aura fait un grand péché. Alors il sera obligé de reconnaître, de dire c'est de ma faute. C'est moi qui je me suis laissé aller. Et je n'ai pas fait le djihad et le combat et je ne me suis pas rébellé contre mon nefs. Et c'est elle qui a gagné, elle fait maintenant ce qu'elle veut. Et bien sûr, elle ne veut que le haram et que les tentations et que l'assouvissement des jouissances. Et résultat jahannam, oulayyadu billah. Donc, je répète, pour patienter et ne pas faire les péchés, il faudrait des efforts, il faudrait du djihad, il faudrait des doigts, il faudrait des choses. Ce n'est pas comme ça vient tout seul. Et la chose la plus grande qui aide, c'est de faire la salat, la vraie salat. La vraie salat. Il y a la vraie, il y a la fausse. La fausse, elle l'emmène à Jahannam, en enfer. Et la vraie, elle l'emmène vers le paradis. La fausse, c'est celui qui ne la fait pas à l'heure. Et celui qui ne la fait pas avec khushu'a. Il la picore, comme le coq. Comme le coq picore. Naam. Celle-là, c'est la fausse. C'est pour ça, vous étonnez, vous dites, subhanallah, X, ça fait 20 ans qu'il fait la prière. Et il a toujours le vice de cette chose qui sont des grands péchés. Et pourtant, subhanallah, ça fait 20 ans qu'il fait la prière. Naam. Et l'autre, ça fait 6 mois qu'il fait la prière, il est masha'Allah, sur le vrai sentier. Pourquoi? Celui-là, le dernier, il l'a fait avec science, avec sunnah, avec humilité, en son moment, en khushu'. Et l'autre, il l'a fait par habitude. Ça fait 20 ans qu'il l'a fait, il a trouvé ses parents en train de la faire, il l'a faite. Naam. Sans que son cœur soit présent avec lui quand il l'a fait. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna salata tenha an al-fahsha'i wal munkar. Allah Ta'ala dit dans le Coran, la salat tenha, blâme et éloigne des turpitudes et des péchés, des grands péchés. Donc Allah Ta'ala nous a donné une grande aide. C'est quoi? C'est la salat quand elle est faite convenablement et avec ses conditions. C'est une grande aide pour le croyant. Subhanallah l'adim. C'est une grande batterie. La batterie de la voiture. Maintenant, elle, quand elle est avec toi, ta salat, alors, en ces moments, avec khushu', avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas remarquer que beaucoup de péchés, tu vas t'éloigner d'eux. Naam. Et c'est pour ça que tous ceux qui font les péchés, les grands, ils doivent quoi? Ils doivent rejeter ou la jeter un coup d'œil dans leur salat. Il y a un défaut quelque part dans leur salat. Car la salat, Allah Ta'ala a dit, elle l'éloigne des péchés et des turpitudes. Et celui-là, elle ne l'a pas éloigné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le Coran ment, c'est impossible. Ça veut dire que ta salat ment. Ta salat que tu as toi, c'est pas une vraie salat. Naam. Ensuite, on a dit aussi que, yani, on a la patience, il faut la patience pour faire les obligations et il faut la patience pour s'éloigner des péchés. Mais beaucoup de gens, naam, ont la patience pour faire les obligations mais n'ont pas la patience pour s'éloigner des péchés. C'est pour cela que le meilleur, c'est celui qui joint entre les deux patiences. Alhamdoulilah, il est patient. Il fait ce que Allah Ta'ala aime. Et Alhamdoulilah, il est patient. Il ne fait pas ce qui courrousse Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que vous remarquez que beaucoup de gens ont la patience de la première sorte et n'ont pas la patience de la deuxième sorte. Beaucoup de gens, ça leur est facile de faire par exemple la prière et d'aller au hajj, naam, et de par exemple faire le jeûne le lundi et jeudi et les 10 jours de Dhul Qa'da et Ashura et ceci et cela, masha'Allah, ils ont la patience de la première sorte, faire ce que Allah aime. Mais beaucoup n'ont pas celle de la deuxième sorte, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire patienter dans le haram. Et les ulama ont dit, les savants ont dit, celui qui a la deuxième avec la première sorte, c'est ça le dalil de la véracité, de la sincérité. Car beaucoup peuvent donner de l'argent fisabilillah, peuvent jeûner lundi et jeudi, mais ne peuvent pas s'éloigner du haram. Naam. Ils jeûnent le lundi et le jeudi. Et ils regardent des choses obscènes à la télévision et ils regardent des clips et je ne sais pas quoi que Allah Ta'ala n'aimerait pas qu'on voit. Et pourtant, c'est quelqu'un qui fait la prière et ceci, cela. Naam. Il a la patience dans la première sorte, mais il n'a pas dans la deuxième, s'éloigner du haram, qui montre la sincérité de la personne et la véracité de la personne. Naam. Et troisièmement, on avait dit quoi? Que il y a la patience dans la prédestination d'Allah Ta'ala et dans les destins et dans tout ce qu'il a écrit. Et cette sorte, la troisième, se divise en deux. La troisième sorte, la patience dans le destin et la prédestination, se divise en deux sortes. Naam. Attendez une seconde que je cherche quelqu'un qui devait être là. Naam. Je disais que la patience dans le destin se divise en deux. Se divise en deux. C'est quoi les deux? La première. Vous remarquez que ce qui vient d'Allah, c'est-à-dire je veux dire le destin, ce qui vient de par le destin, se divise en deux. Naam. Des fois il y a des choses qui n'ont pas de relation avec les êtres humains, avec les créatures. Comme par exemple les maladies. Quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya, quelqu'un, il a le cancer. Le cancer, il n'est même pas, attendez, je cherche le mot, il ne se propage même pas. Quelqu'un qui a le cancer, tu le touches, tu l'enlaces, tu l'embrasses, il ne donne pas le cancer. C'est venu d'où? C'est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les tremblements de terre. Non, les tremblements de terre. L'eau, yani qui remplit toute la ville. Et comme ça, c'est passé dernièrement en Algérie. Comme ça s'appelle en arabe Koufen. Je sais pas comment on appelle ça en français. Al-Muhim, il y a des choses dans la prédestination, hein, qui n'ont pas de rapport avec les créatures. ça vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses qui viennent du destin, mais elles ont rapport avec les créatures. Comme par exemple, disons que quelqu'un par exemple te vole quelque chose, quelqu'un te frappe, quelqu'un te brûle la maison. C'était destiné, bien sûr. C'était écrit 50 000 ans avant que Allah Ta'ala nous crée l'univers, que cette chose allait se passer. Mais elle s'est passée par l'intermédiaire d'une personne. Ça, elle s'est passée par l'intermédiaire de certaines personnes. Alors, ce qui vient, ce qui nous arrive de par le destin, je répéterai, se divise en deux. Des fois, c'est directement d'Allah, sans l'intermédiaire des êtres humains, et des fois, c'est avec l'intermédiaire des êtres humains. La première sorte, quand quelque chose nous arrive et qu'il n'y a pas d'intermédiaire des êtres humains, c'est plus facile à l'accepter et à le supporter. Vous savez pourquoi? Parce que on sent que c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a eu un tremblement de terre et ma maison est tombée et la famille est morte. C'est Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as que faire que de dire inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni wa ajurni aydan fi musibati wa ukhluf li khayran minha. Est-ce qu'on a autre chose à dire? On n'a pas. Qaddar Allah wa ma sha fa'al. Et je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que la première sorte des malheurs qui arrivent de par le destin, où il n'y a pas rapport avec les créatures, la plupart des croyants ont la patience en elle. Mais la deuxième sorte, ce qui nous arrive de par le destin, mais avec, qui a rapport avec les créatures, sont les gens qui nous font le malheur et le mal. Naam. Celle-là, cette sorte, beaucoup, beaucoup de croyants ne patientent pas. Ne patientent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient la personne qui leur a fait leur mal. Ils savent que c'est cette personne en particulier qui m'a volé. C'est cette personne qui m'a frappé avec un couteau. C'est cette personne qui a brûlé ma maison. Et comme ça. Maintenant, c'est difficile, plus ou moins difficile de patienter. Mais dans le premier cas, c'est un tremblement de terre, c'est venu d'Allah directement. C'est plus facile. Dans le deuxième cas, c'est un peu difficile. Quoique, c'était aussi dans le destin. Cette chose, le fait d'être brûlé, le fait d'être poignardé, tout ça, ça rentre aussi dans le destin. Mais c'est difficile à supporter à cause que on connaît le criminel. Et on voudrait quoi? On voudrait prendre, comment on dit ça? On voudrait être vindicatif, c'est-à-dire prendre sa vengeance. On voudrait prendre sa vengeance. Naam. Et on a dit aussi que il n'y a pas quelqu'un qui en patienter comme les messagers d'Allah Azza wa Jal. Comme les messagers d'Allah Azza wa Jal. On avait cité, si vous vous rappelez, on avait cité que notre prophète, que le prophète Youssef alayhi salam avait joint entre les trois patiences. Naam. La patience, la première, de faire l'obligation. C'était quand? C'est quand on l'a emprisonné. Qu'est-ce qu'il a fait dans la prison? Est-ce qu'il passait son temps à jouer aux cartes et à plaisanter, à rire et à fumer la drogue, ou bien, que la paix soit sur lui, il a fait la da'wa. Il a fait la da'wa. Il parlait à ceux qui étaient avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Ya sahibi sijn, a arbabun mutafarriquna khair, amillahu al-wahidul qahar. Il parlait avec ceux qui étaient avec lui dans la prison, il leur disait, il faisait la da'wa pour adorer Allah Ta'ala seul, sans adorer les statues, etc. Subhanallah l'adim. Donc, le prophète Youssef alayhi salam, même dans la prison, il a fait quoi? Il a fait la première patience. La patience de faire les obligations. L'obligation ici, c'est quoi? C'est de faire la da'wa. La da'wa en Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il a patienté. La deuxième patience qui est celle de ne pas faire l'interdit. Car en fait, la femme du responsable qui, bon, dans beaucoup de livres, est cité qu'elle s'appelait Zuleyha, comme c'est dans Sourate Youssef. Elle est venue vers lui, Naam, habillée d'une façon très indécente, et non seulement lui a demandé de faire le haram, mais encore a beaucoup insisté. Il fermait les portes et beaucoup insisté. Mieux encore, elle l'a menacé que s'il ne faisait pas cette chose, elle ferait de lui un tout petit, ou bien il irait en prison. Naam, ou bien il irait en prison. Et lui, comme j'ai dit une fois, il était jeune. Et quelqu'un, quand il est jeune, Naam, il a beaucoup de passion. Et elle, elle était belle. Et une femme, quand elle est belle ou très belle, c'est difficile, assez difficile de résister. Et encore, elle était dans la tenue que j'ai citée. Et elle a fermé les portes. On a plus peur que quelqu'un découvre. Et, subhanallah, elle insiste. Des fois, on ne veut pas faire la chose, mais en insistant sur nous, on lâche. On dit, khlas, je peux plus. Non, il a tenu. Il a tenu. Alayhi salatu salam. Et il était où? Il était dans la ghurba. Il n'était pas dans son pays. Dans la ghurba, personne ne le connaît. Moi, je suis pas chez moi. Je fais ce que je veux, personne n'entendra. Ma femme, mes enfants sont loin. Naam. Il pouvait donc faire. C'était peut-être une excuse. Et comme j'ai dit, il était beau, très beau. Il menaçait de prison et très tenté, il n'a pas fait. C'est la deuxième sorte. C'est la patience de ne pas faire les interdits. La troisième patience, il a patienté dans le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très jeune, on l'a jeté dans un puits. Et on l'a vendu comme on voit un esclave. Et il est allé travailler comme domestique. Subhanallah l'adim. Et il a été éloigné de ses parents. Et il a été, subhanallah l'adim, expulsé vers une ville, un pays loin de lui. Naam. Et tout ça, il a souffert, mais il a patienté. Il savait que ça venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que celui qui patiente, Allah ta'ala va lui faire une issue. S'il est sincère dans sa patience, et qu'il patiente pour Allah ta'ala, Allah ta'ala va lui faire une issue. Naam. C'est juste un test, une épreuve. C'est quoi? C'est un nuage. Un nuage qui va passer. Est-ce que vous avez entendu une fois dans votre vie qu'un nuage est toujours resté au même endroit? Le nuage est venu sur Paris, il n'a plus bougé. C'est impossible. Il reste un jour, deux jours, trois jours, il faut qu'il quitte sa place. La même chose, les tests et les épreuves. Juste, un certain moment, te faire voir, pour te faire voir, ce que tu vaux exactement. Car tout le monde dit, je suis le meilleur des croyants. Et tout le monde dit, moi quand je vais mourir, je serai avec les messagers dans le paradis. Naam. Oh, moi, il n'y a pas plus croyant que moi. Moi, mashallah, asalat, ceci, je donne de l'argent. Tout ça ne prouve rien. Attendons maintenant qu'il y ait des épreuves et des tests. Et on va voir si vraiment tu es croyant ou pas. Et c'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم هل يعلم أن الله الذين صدقوا لا يعلم أن الكذبين. C'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran, il a dit Alif Lam Mim, est-ce que les gens croient que on va les laisser comme ça sans les tester, sans les éprouver? Muslim écrit numéro 1. Il a dit certes que non, alors qu'on a testé ceux qui étaient avant eux. Pour que Allah Ta'ala sache. Mais Allah Ta'ala sait. C'est pour te montrer à toi. Est-ce que tu es véridique ou bien tu es un menteur? Naam. On est dans la mosquée tous. Masha'Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, on fait la salat, Masha'Allah. Mais où est la preuve qu'on est sincère? Alors, attendons l'épreuve et le test. Et c'est avec le test et l'épreuve que Allah Ta'ala te montre si tu es sincère ou tu n'es pas sincère. Et le test et l'épreuve, ce n'est pas toujours avec le mal. Ce n'est pas toujours la mort et la maladie et l'accident de voiture. Des fois, c'est le contraire. Car Allah Ta'ala a dit, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Allah Ta'ala a dit, et je vous éprouve avec le bien, avec le mal. Fitna, une fitna. Comme Allah Ta'ala peut donner à une personne une maladie grave, Allah Ta'ala l'afia, il peut lui donner quoi? Il peut lui donner une grande richesse qu'il n'attendait pas. Naam. Et on va voir qu'est-ce qu'il va devenir. En fait, beaucoup de personnes qui étaient masha'Allah et pratiquaient l'islam masha'Allah avec les frères tout le temps dans la mosquée, etc., dès que Allah Ta'ala leur a ouvert un peu la porte du commerce, un peu la porte de la richesse, et il a commencé à changer de voiture et à s'acheter une maison, et qaddar Allah ma sha fa'al, la salat maintenant ce n'est plus à la mosquée, c'est où? C'est à la maison. Et voilà que la barbe a été rasée, sinon très très taillée. Et voilà que qaddar Allah ma sha fa'al, naam, il a jeté le qamis, il dit il me gêne beaucoup. Quand j'étais dans la mosquée, mashallah, maintenant j'ai des transactions, je rentre dans les banques, ceci, cela, il me gêne beaucoup le qamis, il le jette. Et voilà que un jour on entend que il ne fait plus la prière, oulayadu billah. Et il est passé de l'autre côté, oulayadu billah. Naam. Ça aussi c'est une épreuve. Et peut-être que c'est une grande épreuve, plus difficile peut-être que celle de la maladie et de la pauvreté. Car celle de la maladie, de la pauvreté, quoi qu'il en soit, elle te fait revenir vers Allah Ta'ala. Mais s'il t'ouvre les portes de la richesse, naam, la grande richesse, beaucoup ne vont pas tenir. Beaucoup risquent de ne pas tenir ou ne vont pas tenir du tout. Naam, et ça a été vu et prouvé. Ça a été vu et prouvé. Subhanallah al-Azim. Naam. Des gens disaient, on va rentrer au Parlement. Pourquoi vous allez rentrer au Parlement? Comme disent les frères musulmans. Pourquoi vous aimez le Parlement? On va rentrer au Parlement pour changer et les forcer à appliquer la charia. Oh, masha'Allah, il a une bonne intention celui-là. Masha'Allah, il veut rentrer au Parlement. Comme ça, il va appliquer la charia. Naam. Et quand il rentre au Parlement, masha'Allah, et il commence à voir qu'est-ce qu'il a là-bas comme intérêt, comme faveur, etc., etc. Alors, comme a dit Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, dakhalou li yughayyiru fataghayyaru. Ils sont rentrés pour changer, ils ont changé. Naam. Ils sont rentrés pour changer, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eux ont changé. C'est pas eux, ils ont changé. Eux ont changé. Ras, il a jeté le qamis. Il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de qamis dans le parlement. Le parlement, c'est le costume et la cravate. Naam, le costume et la belle cravate. La cravate, comment on appelle ça pour, j'ai oublié comment ça s'appelle, la marque très connue française. Pour quoi? Pour mieux présenter. Naam, le qamis donne une mauvaise image. Tu n'as pas une bonne allure avec le qamis. Mais avec la cravate, Pierre Cardin. Pierre Cardin, et le beau parfum, masha'Allah, et la barbe bien rasée, les cheveux, masha'Allah, bien coupés, bien coiffés, tu as maintenant, inshallah ta'ala, l'allure, masha'Allah, de quelqu'un du parlement, naam. Je disais que, quelles sont les choses qui, bi'idna azza wa jal, nous aident, pourquoi? Pour patienter. Naam. Quelles sont les choses qui, bi'idna azza wa jal, nous aident pour patienter? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Allah yarhamou, a cité au moins 11 ou 13 choses qui aident la personne à quoi? À patienter, bi'idna azza wa jal. Je ne me rappelle pas de ces 11 ou 12 choses. Je vais vous citer 3 de ces 11 ou 12 choses, bi'idnillahi azza wa jal. La première, quand il nous arrive un malheur, par exemple, quelles sont les choses qui nous aident? Non. La première, c'est de dire et d'attester dans son cœur que tout ce qui se passe dans cet univers ne peut se passer si Allah Ta'ala ne l'avait pas voulu. C'est la première base sur laquelle tu dois te baser quand tu as un malheur, pour pouvoir supporter le malheur et l'alléger, pour qu'il ne devienne pas lourd pour toi. tu puisses combattre ce malheur très vite et l'éloigner de toi. Naam. Qu'est-ce que tu dois te dire? Que tout ce qui se passe dans l'univers et par conséquent ce qui m'est arrivé était écrit il y a 50 000 ans avant que Allah Ta'ala ne me crie. Et que j'aurais tout fait. Je ne pourrais jamais, ou là n'aurais pu jamais, éloigner ce malheur. Car quand Allah Ta'ala écrit qu'une chose doit arriver, tous les ins et tous les djinns du monde vont se mettre d'accord pour essayer d'éloigner ce malheur, ils ne pourront pas. Et si Allah Ta'ala veut donner une ni'ma ou un bien à une personne, tous les djinns et tous les ins vont s'unir avec yani, toute la grande technologie qu'il y a. Ils vont s'unir avec les ordinateurs, les fusées, les je ne sais pas quoi, pour que la ni'ma n'arrive pas à cette personne, ils ne pourront pas. Naam. Quand Allah Ta'ala décrète une chose, khlas, il faut qu'elle arrive bi'idhnillahi azza wa jal. Donc, la première base, c'est de dire que tout ce qui se passe doit arriver. Et cette chose était écrite il y a 50 000 ans. Il faut qu'elle m'arrive. Allez, premièrement. Deuxièmement, ici, dans ce premièrement, j'ouvre une parenthèse. Al-Sunnah disent, quand une chose se passe et arrive, on ne revient pas marche arrière en disant « et si ». Car le prophète alayhi salam a dit « et si, ouvre la porte au shaitan ». Tu dis « et si, je n'avais pas fait cette chose ». Et si je n'avais pas traversé la rue, on m'aurait pas écrasé. Et si je ne suis pas sorti de la maison, on m'aurait pas frappé avec le couteau. Et si j'étais resté chez ma grand-mère, au bled, je serais pas venu ici, et je ne serais pas tombé, je me serais pas fracassé la jambe. Et si, ici, ici, ça ouvre quoi? Ça ouvre la porte au shaitan. Le shaitan va être très content. Très content. Car ici, ici, si, ça va te brûler ton cœur. Naam, tu vas regretter. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et si j'étais resté chez ma grand-mère. Aïe, aïe, aïe. Et si j'étais resté à la maison, mashallah, il ne me serait rien advenu. Ici, le shaitan est content. Il dit, alhamdoulilah. Celui-là, il a oublié que c'est décrété. Et que cela devait arriver. Au lieu de dire, alhamdoulilah, ala kulli hal, il dit, ici. Naam. Il faut bien faire attention à cela. Alors le hadith est sahih, le hadith est clair. Il dit que personne n'atteindra la perfection de l'iman jusqu'à ce qu'il sache que ce que lui est arrivé, naam, devait lui arriver. Il ne pouvait pas lui échapper. Et la chose qui n'est pas arrivée, à laquelle il a échappé, ne devait pas arriver. Naam. Car le contraire aussi est vrai. Donc tout ça c'est premièrement. Deuxièmement, bi'idhnillahi ta'ala, Allah qui aide à patienter dans les malheurs, qu'il sache que ce qui lui est arrivé, surtout si ça a rapport avec les gens, c'est-à-dire le deuxième dont j'ai parlé tout à l'heure, la deuxième sorte de la troisième sorte, qu'il dise quoi? Que c'est à cause de mes péchés. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Allah Ta'ala dit, et tout malheur qui vous est arrivé, c'est à cause de ce que vous avez fait avec vos mains. Car la plupart des péchés, comme vous savez, on les fait avec les mains. Naam. Donc qu'il se dise, pour supporter un peu, qu'est-ce qu'il dit? Il se dit, donc ce qui m'est arrivé, naam, c'est à cause de mes péchés. Et il essaye de se rappeler un peu, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Qu'est-ce qu'il a fait hier? Où est-ce qu'il est allé? Qu'est-ce qu'il a vu à la télévision? Qu'est-ce qu'il a écouté? Naam, des choses que Allah Ta'ala n'aime pas. Et il doit se dire, donc c'est ça. Naam, donc c'est à cause de cela. Je vous rappelle très vite, je l'ai dit plusieurs fois, mais juste pour que vous vous rappeliez, car on est toujours dans un rappel. Subhanallah, je viens maintenant de me rappeler que tout ça c'est quoi? C'est, comment ça s'appelle ça? C'est une révision. Naam. Je suis en train de réviser. On n'a pas commencé le dars. Rappelez-vous, le hadith que l'Albani, Allah yarhamou, a dit, c'est un hadith sahih, qui se trouve dans Sahih al-Jami'. qu'un homme a rencontré une femme qui faisait la zina autrefois. Et alhamdoulilah, elle est rentrée en islam et cet homme qui est un compagnon l'a rencontré dans la rue. Il a dit salam, ils ont commencé à discuter. Ensuite, sans le vouloir, il a mis sa main quelque part sur son épaule ou je ne sais pas où exactement. Elle lui a dit mah. Yani, en ce sens, taqillah, tu es loin, lui a dit. Elle lui a dit, l'islam est venu et le shirk est parti. Le shirk est parti, l'islam est venu. Ça veut dire, ne crois pas que je suis comme j'étais autrefois. Naam. La personne, quand elle rentre en islam, alhamdoulilah, tout change. Naam. Tayyib. Quand elle lui a dit cette chose, il s'est abstenu, alhamdoulilah, il a relevé sa main et il l'a quitté. Mais en rebroussant chemin, il marchait, il regardait vers elle. Peut-être qu'il a été étonné de ce qu'elle a dit, peut-être qu'il a été étonné de son allure, je ne sais pas exactement pourquoi il s'est retourné vers elle, en méditant ce qu'elle lui a dit, et il s'est cogné la tête contre un mur. Alors il est allé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté l'histoire. Naam, il lui a raconté l'histoire. Le prophète, alayhi wa sallam, lui a dit, sache que tu es quelqu'un auquel Allah Ta'ala t'a voulu du bien. Et que quand Allah Ta'ala veut du mal à une personne, il la laisse avec quoi? Avec son péché. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Allah Subhanahu wa Ta'ala avec son péché. Donc vous voyez, le fait de se cogner la tête contre le mur, c'est quoi ici? C'est un malheur. Et sûrement qu'il a eu mal. Peut-être qu'il y a même du sang qui a coulé, je ne sais pas. Sûrement qu'il a eu mal, vraiment mal. Pourquoi il s'est cogné la tête? Car ce qu'il a fait avec la femme. Et le prophète lui a montré, lui a dit que, yani, dis alhamdoulillah, toi Allah Ta'ala t'a aimé en te punissant maintenant. Car quand il n'aime pas une personne, il la laisse avec ses péchés. Donc, on prend comme intérêt, c'est quoi? Que le malheur lui-même, si on fait des péchés, le malheur lui-même qui arrive, c'est une rahma, c'est une miséricorde d'Allah Ta'ala. Si Allah Ta'ala t'aime, il te donne la punition. S'il t'aime pas, il va te laisser ainsi jusqu'à ce que tu le rencontres demain avec des montagnes de péchés. Et là-bas, c'est grave. Comment faire? Elles sont là, les montagnes qui témoignent. Et les gens sont en train de les voir. Mais ici, hop, tu te prends la tête, alhamdoulilah, le péché a été annulé. Donc, quand on fait des fautes, des péchés, et il nous arrive des malheurs, normalement, on dit, alhamdoulilah, j'ai payé. Alhamdoulilah, j'ai payé. Donc, on va prendre aussi un autre intérêt. Quel est l'autre intérêt? Écoutez bien ce que je vais dire. Que celui qui fait beaucoup de péchés et ne lui arrive rien, attention miskine, qu'il croit que il est dans le vrai. Naam. Et que peut-être même, il va dire, Allah Ta'ala même. Naam. Je fais tout le temps la zina et l'alcool, jamais il ne m'est rien arrivé. Jamais. Je fais, mashallah, il ne m'est rien arrivé. Ça me rappelle une chose. Ça me rappelle une femme. Je dis pas une sœur. Certaines personnes, on me dit, ils disent à cette femme, ils lui disent, orti. Il y a une femme qui a une salle qui s'appelle Au bord de la vie. Et la femme elle-même s'appelle Ambrine. Moi, une fois, j'ai entendu ce qu'elle disait. Elle me paraissait aller louche dans la façon de parler. Ensuite, elle a commencé à mettre la musique. J'ai dit, subhanallah, j'ai quitté. Maintenant, on me dit que cette personne, que je n'appelle pas Orti, on me dit que, il y a des témoins qui étaient présents, des frères, mashallah, on me dit que, elle dit, je ne crois plus en Allah. Naam, je ne crois plus en Allah. Et elle dit, alhamdoulilah, maintenant, je viens de voir la vérité, et tel philosophe a dit, et donc, il n'y a plus Allah Ta'ala. Et, plus grave que cela, un frère m'a dit, il m'a dit, si vous voulez, je vous montre ce qu'elle a, c'est écrit même dans la salle. Elle a dit, avant de dire ce qu'elle a dit, je demande à Allah Ta'ala de me pardonner de le dire, car vous savez que celui qui dit ce qu'a dit le kafir, il n'est pas kafir. Moi, quand je dis que Pharaon a dit « Je suis votre Seigneur », je n'ai rien fait. C'est Pharaon qui a dit, c'est pas moi. Moi, j'ai seulement, yani, je vous ai dit ce qu'il a dit. Ça s'appelle en arabe « Naqilul kufr laysa bi kafir ».« Naqilul kufr laysa bi kafir ». Al-Muhim. Je dis à Oudoubla Mishtaradim de ce qu'elle a dit. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit « Je suis l'amante. Je suis l'amante d'Allah Ta'ala. » Astaghfirullah, ya Rabbi, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dans sa vie dire une phrase pareille? Est-ce que vous avez entendu? Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, et regardez, je dis ça, et je fais ça, et rien ne m'arrive. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça, moi? Ça a rapport avec le dars. Est-ce que le fait que rien ne lui arrive, est-ce que ça veut dire que Allah Ta'ala l'aime? Elle va dire, voilà, c'est une preuve. Ou bien il n'y a pas Allah, ou bien il m'aime. Je dis comme ça, rien ne m'arrive. Rien ne t'arrive. Et qu'est-ce qui va t'arriver demain quand tu vas mourir? Qu'est-ce qui va t'arriver, toi, la kafira, demain quand tu vas mourir? Naam. Et, quand tu dis rien ne m'est arrivé, quelle est la preuve que demain, il ne va pas t'arriver des choses? Quelle est la preuve que tu ne vas pas, dans quelques jours, avoir un cancer de sang? Allez, donne-moi la preuve. Tu connais, toi, ce qui se passe demain? Donne-moi la preuve que demain, tu n'auras pas un cancer de sang. Naam. Ensuite, autre chose. Le fait, naam, de dire des choses comme ça, c'est déjà le plus grand malheur du monde. Alors, comment on dit rien ne m'est arrivé? Si, il t'est arrivé cette chose que Allah Ta'ala t'a éloigné et a fait de toi quelqu'un qui va rentrer en enfer pour ne plus en ressortir. Alors que, peut-être dans son cœur, elle dit cela juste pour attirer des gens dans son salon. Car son salon est de 6 personnes. Donc, pour attirer des gens à vivre, qu'ils soient extraordinaires. Pour que ça marche, le salon, et si tout le monde parle de moi, machallah. Non, c'est une ruse. Et, au bord de la vie, ça veut dire, au bord de la vie, il ne reste plus rien. On dit qu'elle met même une caméra et on voit comme ça, avec quelque chose dans la chave, et quelque chose comme ça. Non, pour moi, c'est une personne malade qui doit prendre sûrement des cachets. D'ailleurs, son salon s'appelle au bord de la vie, craqué, c'est plus où est la vérité. Et d'un moment à l'autre, nous qu'est-ce qu'on dit? On demande à Guillaume, car toute personne, je voudrais faire mon possible pour l'attirer, qu'elle gagne le paradis et ne meure demain et ne plus sortir de l'enfer. Qu'est-ce qu'il a fait qui n'est rien mis là pour qu'elle soit opéra? Regardez ce qu'il a. Allah المستعان الله المستعان كفي له الشيطان سبحان الله. المهم on vient à ce dars, donc ne leur arrive pas des malheurs qu'ils fassent des péchés qu'ils croient que dans le vrai et dans le juste, au contraire. Dans les mains. Alhamdoulilah. Je disais que Allah l'Azim, je vous m'entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah, j'ai dit que je n'avais même pas remarqué que j'étais déconnecté. Si c'était une personne qui m'avait dit cela, qui m'avait envoyé un texte, ou jazakallahu khairan cette personne. J'ai dit que la troisième des choses, c'était de savoir que يعني celui qui a un malheur. Cher, est-ce que vous m'entendez? Cher, yani tapez 1 si vous avez du son, inshallah. Yani le Cher, le Ibn al-Qayyim, il a ouvert sa room. Invitation à la voix des plus prédécesseurs. Inshallah, si on peut aller là-bas et que vous faites le cours sur sa room. Cheikh, est-ce que vous êtes là? Allahu a'lam, mais Quran Sunna, elle est occupée. Je pense. Cheikh, est-ce que vous m'entendez? لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. نعم الحمد لله. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que j'étais exactement؟ سبحان الله العظيم. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que j'étais exactement؟ J'ai perdu le fil là. J'ai perdu le fil. نعم. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que j'étais exactement؟ Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire؟ الله العظيم أم بغين Oh ma chef, j'ai dit que je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Non, puisque je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il n'a pas De toute façon, quand je parle, est-ce que vous m'avez entendu parler? Non, je veux dire, est-ce que vous m'avez entendu parler de la hasana, la récompense qui fait rentrer en enfer? Est-ce que vous m'avez entendu parler de cela, de la récompense qui fait parler en enfer? Non. Donc tu me suis, inshallah ta'ala, tu écris numéro 1 quand ça marche. Bismillahir rahmanir rahim, salat salam ala ashraf mursalin. J'ai dit que avant de dire cela, j'avais dit que des fois la personne stagnée et que quand elle fait un péché, ensuite elle fait le repentir. Naam. Ce repentir va l'aider bi'inna azawjal pour s'améliorer et devenir beaucoup mieux que quand elle était auparavant, avant le péché. C'est pour ça que les ulama ont dit, les savants ont dit, des fois, quelqu'un fait une CIA, naam, une CIA. Il y a un péché, il peut aller au quoi? Au paradis. Et des fois, quelqu'un fait un bienfait, une hasana, et il peut aller en enfer. Les ulama ont dit, comment cela? Ils ont dit, voilà. Des fois, la personne fait une hasana, quelque chose que Allah Ta'ala aime, c'est une hasana, masha'Allah. Mais cette hasana peut l'emmener en enfer. Comment cela? Ils ont dit, je donne un exemple. Imaginez par exemple que quelqu'un donne de l'argent pour qu'on construise une mosquée. Certes et sûrement qu'il a fait quelque chose de bien. Naam. Sûrement qu'il a fait quelque chose que Allah Ta'ala aime, une hasana, masha'Allah. Mais cette personne, subhanallah al-azim, n'arrête pas de dire aux gens que si ce n'était pas moi par exemple, vous n'auriez pas fait la prière. Si ce n'était pas moi qui vous ai donné de l'argent, vous n'auriez pas construit la mosquée. Si c'était pas moi, alors celui-là, subhanallah al-azim, sa hasana va se renverser contre lui, et s'il meurt, il fait pas la tawba, il va aller en enfer. Car Allah Ta'ala n'aime pas le men. On appelle ça le men en arabe. Je l'écris comme ça. Allah Ta'ala n'aime pas le men. Le men, c'est faire quelque chose de bien, ensuite commencer à dire si c'était pas moi. Donc, subhanallah, cette personne, en faisant faisant le bien, s'est enflé d'orgueil. S'est enflé, a senti que c'était la meilleure, et si c'était pas elle, etc. Donc cette personne, en faisant l'aumône ici, en faisant l'aumône, va aller en enfer, subhanallah al-azim. Donc, des fois on fait quelque chose de bien, qui peut nous mener à Jahannam, ou l'iyadu billah. C'est pour ça que moi je connais certaines personnes, dans un petit village, là-bas au bled, subhanallah al-azim, qui, lorsqu'ils aidaient, pour que le vendredi, ils aidaient pour construire la mosquée, subhanallah al-azim, l'imam, chaque vendredi, citait par leur nom. Chaque vendredi, l'imam il dit, X, Mohamed ibn Abdillah, a ramené à la mosquée 500 sachets, par exemple, de ciment. X, Abdelrahim, a donné, par exemple, 1000 dinars. Il cite les noms. X a ramené un camion de briques. Subhanallah al-Azim. Pourquoi tu cites les noms? Et c'est plus grave si ce sont eux qui lui ont demandé de citer les noms. Naam. Donc des fois, on fait un quoi? On fait un bienfait et il peut nous emmener en enfer. Et des fois, on fait un péché, il peut nous emmener Naam. Allah Moussa'an. Des fois, on fait un péché, il peut nous emmener au paradis. Comment ça? Une personne qui était faible, Naam, et savoir sa foi régresser de jour en jour, ensuite, elle a fait un péché et elle a senti le poids du péché et elle a senti vraiment que ce qu'elle a fait c'était grave et elle s'est culpabilisée, Naam, et subhanallah al-azim, elle commence à ne plus pouvoir dormir la nuit. Elle passe la nuit à pleurer, à demander à Allah Ta'ala le Tout-Puissant de lui pardonner et de ne jamais refaire cette faute. Et ceci et cela, elle commence à faire des prières surérogatoires, elle commence à faire le siyam, ceci. Donc vous voyez, ça va être une cause, le péché qu'elle avait fait a été quoi? La cause du repentir, car elle a fait le repentir après le péché. Et le repentir a été la cause qu'elle aille si elle meurt au paradis. Donc c'est un péché qui va la faire entrer au paradis. Donc je terminerai par dire que bi'idhna azawajal, Naam, que dans le troisième cas, c'est-à-dire lorsqu'on a un malheur, Naam, et qui nous est arrivé par ce malheur, c'est par la relation avec les gens, Naam, c'est pas comme le tremblement de terre, etc., mais qui a un rapport avec les gens, n'oubliez pas, si on veut supporter, n'oubliez pas que toute personne qui pardonne, qu'est-ce qu'il attend demain lorsqu'elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Toute personne qui pardonne, elle peut rendre le mal par le mal, mais elle dit, je pardonne fi sabilillah. Cette personne, subhanallah al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de récompenses yawm al-qiyama. C'est cité d'ailleurs dans un hadith sahih, authentifié par Sheikh al-Albani, où il a dit, que quiconque retient sa colère et son courroux alors qu'il peut, Naam, il peut, disons, le faire. Donc, retient sa colère et son courroux alors qu'il peut l'exécuter. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, celui-là, Allah Ta'ala, le jour de la rétribution, l'appellera devant tous les gens qui sont témoins comme ça, en train d'écouter, il l'appelle. Il lui dit par son nom, toi, X, toi, Naam. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Choisis aujourd'hui, de toutes ces femmes qu'il y a ici, celles qui te plaisent. Choisis aujourd'hui, de toutes les femmes du paradis qu'il y a ici, celles qui te plaisent. Et peut-être qu'il dira à la femme qui retient son courroux, etc., peut-être qu'il lui dira, choisis des hommes du paradis, tous ceux qui te plaisent. Donc, vous voyez que, yani, rendre le mal par le mal, c'est très facile. Il me donne une gifle, tu lui donnes deux. Naam, il me donne une gifle, tu lui donnes deux. Ça, c'est très facile. Mais, se retenir et lui pardonner, est-ce que c'est facile? Dites-moi, est-ce que c'est facile? C'est facile pour celui qui fait ça pour Allah. C'est facile pour celui qui fait cette chose pour Allah. Car pour Allah Azza wa Jal, quand on fait une chose, malgré yani sa portée, malgré sa richesse, malgré, elle devient rien comparée aux ni'ma qu'Allah Ta'ala nous donne et comparée aux ni'ma qui nous attendent le jour où on va rencontrer Allah Azza wa Jal. Naam, le fort, c'est celui, c'est pas celui qui terrasse les autres. Le fort, c'est celui qui, c'est lui-même lors des moments les plus difficiles. Disons, c'est celui qui se retient. Naam, celui qui se retient dans les moments les plus difficiles. Naam, ce n'est pas le fort, celui qui, on le frappe, il frappe. Ça, tout le monde peut le faire. Mais ce que tout le monde ne peut pas faire, c'est ne pas rendre le mal. Ou alors, le rendre par un bien. Le rendre, lui rendre un mal par un bien. Ça, vraiment, il faut vraiment avoir de la foi. De la foi pour pouvoir faire une chose pareille. Naam. Je disais que tout cela, c'est quoi? Tout cela, c'est la révision de la révision. Je n'ai pas commencé le nouveau dars et je ne le commence pas. Il est déjà 23h. Je le laisse, inshallah ta'ala, pour le dars suivant. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Si vous avez, inshallah ta'ala, une question en ce qui a rapport avec ce que je viens de dire, ou alors en général dans la aqida, posez-la, inshallah ta'ala, je vous réponds bi-idhnillahi azza wa jal. Om Nour, tafadlali bi-idhnillahi ta'ala, tafadlali. Omnour, je vous ai retiré le raid. Inch'Allah, vous pouvez commencer à refunder. J'avais oublié de retirer le raid. Ok, Inch'Allah, vous poserez votre question après Oumar Abdillah si vous n'êtes pas prêt. Oumar Abdillah, Inch'Allah, je vous retire la raid. Posez votre question. Barakallahu fikoum. Je vous rappelle, Binillah, que dans l'intérêt de tous, pour gagner du temps, c'est utile de préparer vos questions à l'avance. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent poser des questions au Shir. Aussi, une question par personne et si possible en rapport avec le thème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je réponds à une personne qui m'envoie un PV, Yanni, qui me dit que vous répondez jamais au PV. Il faut savoir que vous n'êtes pas la seule personne à poser des questions. Yanni, donc le temps que je prends pour répondre aux autres, yani c'est pas que je veux pas vous répondre, mais ça prend du temps. Barakallahu fikoum de votre compréhension. Abou Oumar Abdillah, je vous ai retiré le raid, Inch'Allah, si vous pouvez poser votre question. Abou Oumar Abdelrahman, je vous ai retiré le raid. Donc, si vous pouvez poser votre question à... Yanni, je répète, Inch'Allah, les questions, c'est concernant le cours qui a été fait aujourd'hui. Yanni, cette question est hors sujet, donc on va privilégier ceux qui ont des questions sur le cours. Barakallahu fikoum. أبو وأم عبد الرحمن، تفضل إن شاء الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yes, Sheikh. Si la question n'est pas sur le cours, mais avec la aqida, est-ce bon? Yanni, Sheikh, si vous entendez, dites-moi si elle peut poser la question, inshallah. Naam. Donc, Umnur, Tzodli, Inch'Allah, posez votre question. Tapez 1 lorsque la question est terminée. Barakallahu fikoum. La peur est une forme d'adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah Ta'ala. Celui qui l'avoue à un autre qu'Allah Ta'ala est un polythéiste mécréant. Si une sœur ne met pas le djilbab, par exemple, à cause de sa famille, car elle craint leur réaction, est-ce que cela revient à vouer une adoration, entre parenthèses, qui est la peur, à un autre qu'Allah Azzawajal, et fait donc de cette sœur une mécréante? Barakallahu fikum pour le temps que vous nous accordez, cher. في صوت وصفك في صوت الأخ نعم faut dire que pour une seule question on a perdu beaucoup de temps. Chauf, pour une seule question regarde combien de temps bi'idna azza wa jal on a perdu. نعم La question qui dit que la peur, est-ce que le fait qu'une sœur ne mette pas le djilbab à cause de crainte de sa famille, etc., est-ce cette peur, c'est une peur qui fait rentrer dans la mécréance ou pas? La réponse, Inch'Allah Ta'ala, dis-moi d'abord si vous m'entendez. Naam. Alhamdulillah. Naam. Alhamdulillah. Cette peur fait d'elle, qu'elle se marque, qu'elle se marque un grand péché. Naam. Elle se marque un grand péché, bi'idhnillahi azza wa jal. Mais pas au point de sortir de l'islam. Naam. Elle sort de l'islam quand elle, quoi? Quand elle renie. Elle dit, il n'y a pas le djilbab. Je le renie. Il n'existe pas dans la sharia. On lui dit, Allah Ta'ala a dit, son prophète, elle dit non. Je ne le renie. Naam. Celle-là, elle est sortie de l'islam. Mais celle-là, elle a peur de sa famille, etc. Elle a fait un grand péché. Naam. Elle a fait un grand péché car elle devait avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle devait avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, on lui avait posé une question. Un homme qui a peur d'une personne, naam, qui... C'est cette personne qui lui donne la paye chaque mois. là, chaque année ou là, je ne sais pas. Et cette personne lui a dit, si tu ne fais pas la prosternation, tu ne te prosternes pas à moi, je te donne pas ta paye. Cheikh Islam a dit, si vraiment il a peur qu'il ne lui donne pas, au point qu'il risque de lui arriver quelque chose, il a dit, il peut se prosterner à lui. Mais dans son cœur, il dit, c'est Allah que je veux, c'est pas cette personne. Juste pour parer à ses problèmes. Juste pour parer à ce problème. Ça, c'est une fatwa de qui? De Cheikh al-Islam dans Fatwa al-Kubra. Pardon, Majmou' al-Fatwa. Pour celui qui veut, je peux la lui transmettre, Inch'Allah Ta'ala, en son moment opportun, bi'idhn Azza wa Jal. Donc, je dis à cette sœur, Taqillah Subhanahu wa Ta'ala, il faut avoir peur beaucoup plus d'Allah Subhanahu wa Ta'ala que des parents. Les parents, na'am, ils vont s'énerver, ils vont ceci, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ensuite, toi tu as sauvé ta peau de Jahannam. Na'am. Et eux, ils s'énervent ou ils s'énervent pas. Ça rentre dans les épreuves. Ça rentre dans les tests et dans les épreuves. Car le paradis, c'est une marchandise qui est chère. Et elle vient pas comme ça facilement. Il faut souffrir, il faut être engueulé, il faut être pris, emprisonné, il faut pour entrer au paradis. Non, il faut des épreuves et des tests. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfadl inshallah ta'ala, deuxième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi, ma question n'a rien à voir avec le sujet. Puis-je la poser ou pas? Tu m'entends, Minajul Haq? Tu m'entends? Non, Minajul Haq. C'est qui là qui parle? Non. Tayeb, c'est qui parle? Muslim, qu'est-ce qui est en train de dire les questions? Pardon, qui est en train de dire les questions? Écrit numéro 1, celui qui lit les questions. Tayeb, Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, invités dans ta salle. Bi'idna Ta'ala, je te laisse le choix. C'est toi qui choisis. Ou bien tu acceptes qu'on lise, ou bien on ne lit pas. Je te laisse le libre choix, bi'idhnillahi azza wa jal. Tfadl, fais ce que tu veux, j'attends, Inch'Allah Ta'ala, que tu me lises la question. Naam, on est chez toi, on ne fait pas les choses sans demander la permission. Tfadl. Assalamu alaikum, moi, dans la mesure où les personnels posent des questions et que je sais pas si ça peut être peut avoir une importance dans leur vie ou pas, je vais pas être prendre de responsabilité, Inch'Allah. Donc moi je dis qu'on lit les questions. Donc je vais lire la question. Voilà, Inch'Allah, je voulais savoir comme toute âme goûtera la mort, qu'adviendra-t-il des anges? Entre parenthèses, je ne connais pas ce shir, mais il s'appelle Kishk. Il a dit que les anges meurent aussi. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous protège. Vous m'entendez? Naam. Astaghfirullah, tout voulait. Tayeb. le hadith se trouve dans le Fath al-Bari, naam, dans le sixième tome. Je crois que c'est le hadith 630, si je ne me trompe pas, car j'ai des difficultés aujourd'hui un peu dans le Paltokada, où il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala, après que toutes les créatures meurent, il dira « Liman il-mulk al-yawm » « À qui appartient la royauté aujourd'hui ?» Et il se répondra à lui-même « À moi-même » C'est-à-dire que « Naam » C'est-à-dire que toutes les personnes, toutes les créatures, bidna ta'ala, doivent mourir. Allah ta'ala, pour leur prouver que c'est lui le dernier. Car dans un hadith, sahih, et dans le Coran, il dit « C'est le premier, c'est le dernier. » Naam. Il n'y a personne qui peut rester après lui. C'est lui qui reste le dernier. Ensuite, il commence à refaire vivre ses créatures. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Quant à, si j'ai bien entendu, Ibn al-Qayyim reprend-moi, est-ce qu'elle a parlé de Keshk? Est-ce qu'elle a parlé de Keshk ou elle n'a pas parlé de Keshk? Et naam, je dis et je mets en garde mes sœurs et mes frères qui ne connaissent pas que Keshk, yani, je dis rahimahullah, parce que c'est un croyant bien sûr, que avait beaucoup de fautes, naam, dans ses prêches et surtout dans la aqida. C'est pour ça que quelqu'un qui est salafi normalement n'écoute pas ses cassettes, car elles comportent beaucoup de fautes dans la aqida et dans les hadiths. Quand il cite un hadith, sur 100 hadiths, 90 ne sont pas vrais. Quand le Keshk Allah cite un hadith, sur 100, 90 ne sont pas vrais. C'est pour ça que soigner ces cassettes bi-idhnillahi azza wa jal. Tfadlal inshallah al-akh. Naam, donc j'ai la question de Umnur qui était au début. Yani, elle posait la question pour une personne. Yani, voilà, cette personne, elle a 23 ans. Yani, déjà, est-ce que vous avez du son, inshallah? Inshallah. Naam. Donc voilà, elle a 23 ans, elle suit le minhaj. Mashallah, il n'a jamais été marié, malgré qu'elle veut l'être. Mais les choses ont fait qu'elle ne pourrait pas, yani, car son physique ne lui permet pas. Plusieurs frères l'ont refusé à cause de son physique. Elle se sent pas belle. Elle n'a plus confiance en elle et pour cela, elle ne veut plus se marier, car elle a remarqué que les frères qui suivent le minhaj sont très exigeants niveau beauté. Elle a déjà eu des demandes en mariage de deux frères qui n'étaient pas sur le minhaj, mais elle a refusé car elle n'était pas justement sur le minhaj. Elle voudrait demander, est-ce que c'est juste que les frères accordent beaucoup d'importance au physique? Est-ce que la laideur est une épreuve et est-ce le destin si tous les frères la refusent? Voilà. Cher, est-ce que vous avez compris la question? Tfadol, inshallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Naam. En fait, la laideur, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Comme la beauté peut être une ni'ma, et en même temps, elle peut être une fitna. Et la même chose, la laideur peut être une fitna. Mais tout ce que Allah Ta'ala crée est beau. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Il a dit, khalqullah kullu hasan. Naam, il y a des femmes qui ne sont pas belles. Qu'est-ce qu'elle doit faire celle-là, celle qui n'est pas belle? Elle doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'elle sache que chez Allah elle est belle. Elle est belle de par quoi? De par, masha'Allah, ses adorations, de par ses nafilas. Ensuite, quelque chose doit imprégner son cœur. C'est quoi? Elle doit se dire que demain, masha'Allah ta'ala, quand je rencontrerai Allah ta'ala, je me marierai avec le plus bel homme. Naam, dans le paradis. Pour avoir été éprouvé, et alhamdoulilah, j'ai pas craqué. Peut-être même elle se dit, si je me marie pas, je suis pas la seule à ne pas me marier. Et pour ne pas m'être marié à avoir yani, patienté, ne pas être tombé dans la zina, je sais qu'Allah Ta'ala me cache beaucoup, beaucoup de choses qui vont me ravir demain quand je vais rencontrer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et la preuve que yani, la laideur, le fait d'être laid, c'est beaucoup plus difficile chez un homme que chez une femme. Pardon, chez une femme que chez un homme. Déjà, dans le Sahih al-Bukhari, une femme qui s'appelait Barira, qui était domestique, quand elle a été affranchie, celle-là c'est à cause de l'affranchissement. La femme qui s'appelle, certains l'appellent Jamila et l'autre l'appelle Maryam al-Mughaliya. Elle est très connue de la femme de Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais. Elle est allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit à Rasulallah, je n'ai rien à critiquer sur mon mari, ni sur sa religion, ni sur son comportement. C'est bien sûr, c'est le coffre, khlas, mais pour Al-Sunnah al-Jama'a, c'est le deuxième coffre, c'est-à-dire que j'ai peur de ne pas lui donner ses droits. Pourquoi? Parce que dans un autre hadith, elle a dit, il est tellement laid, mon mari est tellement laid, que si je n'avais pas la crainte d'Allah, je lui aurais craché sur le visage. Subhanallah l'Azim. Donc, quand on vit, elle vit, cette femme vit avec un homme qui est très laid, elle sait qu'elle ne peut pas lui donner ses devoirs. C'est quelque chose yani, de naturel. Elle a préféré faire le khula, lui rendre son jardin et se séparer de lui. Naam, je ne peux pas donner mes droits à une personne que je déteste. Naam, me déshabiller devant elle et faire mes droits, je ne peux pas. Non, je préfère me séparer, je ne souffre pas et je ne le laisse pas souffrir avec moi. Non, je dis à cette personne, fais des doigts et dis-toi que si Allah Ta'ala a écrit que tu te maries, c'est écrit en haut et ça a été écrit il y a 50 000 ans avant qu'il ne crée l'univers. Et que personne ici ne peut éloigner ce mariage ou l'annuler. Et que ce mariage viendra. Il n'y a qu'une seule chose qui peut rendre le destin. C'est quoi? C'est les doigts. Naam. Fais beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, toi qui n'es pas belle, il va te marier avec le plus beau. Il va mettre dans son cœur que cette femme, c'est la plus belle. Et qu'il faut que tu te maries avec elle. Et il se mariera obligé. Naam. Pour lui, il te verra que tu es la plus belle. Mais ça dans ton cœur et aie confiance en lui. Aie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala que quand il décide une chose, elle doit arriver. Que personne ne peut bi'idna azza wa jal entraver sa volonté azza wa jal universelle et sa volonté juridique. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadal inshallah ta'ala le prochain. Hafusa, c'est à votre tour. Salam alaikum. Est-ce que Al-Satar est un attribut d'Allah Azza wa Jal? Peut-on appeler une personne Abdel-Satar? Pouvez-vous rappeler les horaires auxquels on peut vous appeler, Inch'Allah? Barakallahu fikum. Fi sawt, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, cette question, alhamdoulilah, est dans la aqida. Et malheureux, et vraiment malheureux, celui qui meurt sans avoir connu la aqida. Alors que Allah Ta'ala ne nous a créé que pour l'adorer. Et l'adorer, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, vous savez, lui a fait une doua spéciale pour lui, quand il a interprété ce verset, il l'a expliqué, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il a dit إِلَّا لِيُوَحِدُونَ, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala ne nous a créé que pour la aqida. La aqida, c'est connaître Allah Ta'ala et appliquer sa sharia بِإِذْنَ عَزَّوْجَلْ. Alors que beaucoup de nous passent leur temps dans des salons à jouer et à plaisanter et laissent le temps comme ça passer. Et l'une des questions qui sera posée, l'une des quatre questions qui doit être posée à toute personne le jour du jugement dernier, c'est: qu'as-tu fait de ton temps? Qu'as-tu fait de ton temps? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il se trouve dans Sahih Jami' de Sheikh Al-Albani, il a dit: ni'matan maghbunun fihima kathirun min an-nas, as-siha wal farah. Il a dit deux ni'ma, beaucoup de gens sont malheureux dans deux ni'ma. As-siha, la bonne santé, ou al-farah. Al-farah, c'est-à-dire avoir le temps, beaucoup de temps vide, al-farah. As-siha, beaucoup de gens ont, masha'Allah, yani la santé, mais qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de mettre sa santé yani au profit de l'islam, ils vont la mettre dans quoi? Dans le haram. Naam, il va l'utiliser dans le haram. Tu trouves des gens, masha'Allah, très bonne santé, mais ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième ni'ma, c'est quoi? Al-farah. Beaucoup de gens ont le temps libre, masha'Allah, mais ils ne l'utilisent pas dans les choses bénéfiques. Et comme a dit Ali radiallahu ta'ala anhu, il a dit: chaque jour où je n'apprends pas quelque chose dans l'islam, que ce jour soit maudit. Naam, un jour qui passe sans que tu n'apprennes une chose dans le fiqh, dans la harida, dans le tafsir, cette journée est maudite, elle est contre toi. Cette journée te compte contre toi demain quand tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala. Ça y est, pourquoi j'ai dit tout ça? Beaucoup de gens disent sattar en parlant d'Allah, et mieux que ça, ils appellent leurs enfants, naam, par exemple Abd Sattar. Naam. C'est pour ça, s'ils ont quelque chose qui tombe dans leurs mains, ils disent Ya Sattar. Alors que le vrai, c'est de dire Sittir et non pas Sattar. Je vais écrire Sittir comme ça, et mieux avec deux T. Sittir et non pas Sattar. Naam. Allah Ta'ala a un attribut. Il est Sittir. Il n'est pas Sattar. Si tu veux, tu dis Abd Sittir. D'ailleurs, on dit pas Abd Sittir parce que ce n'est pas un nom. C'est un attribut, c'est tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allaha Hayyun Sittir. Allah Ta'ala Hayyun. Yistahi. La pudeur et en même temps Sittir. Regardez combien de fautes on fait. Il ne les montre pas aux gens. Combien de fautes on fait, combien de péchés on fait, et des fois Allah Ta'ala ne les montre pas, il les cache. Et mieux que ça, le jour du jugement dernier, quand Allah Ta'ala va te montrer tes péchés, comme c'est dans le hadith sahih, tu vas dire: mais il y a beaucoup de péchés que je n'ai pas encore vus. Naam. Allah Ta'ala rira ce jour-là parce que il va les cacher et ne pas les montrer. Pourquoi? Parce qu'il est sittir. Il est sittir. Et écoutez cette histoire qui est véridique. Une fois, vous m'entendez, inshallah ta'ala, une fois, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, naam, a fait un accident de voiture. Sa voiture s'est renversée. Naam. Quelqu'un qui a vu la voiture renversée, imaginez les roues vers le ciel et lui en bas. À l'intérieur, qui? Sheikh Al-Albani, rahimahou. Quelqu'un qui a vu ça a couru vers lui. Naam, a couru vers lui en disant: Ya Sattar. Naam. C'est lui qui a rapporté ensuite l'histoire. Il a dit, subhanallah al-azim, le shir a fait un peu ouvrir la fenêtre, et la première chose qu'il lui a dit, non, il y a sittir, pas il y a sattar. Regardez, shir al-albani Allah irhamo, qui, dans une voiture renversée, où les gens yani, perdent leur cerveau, et d'autres font peut-être de peur, font les besoins sur eux, celui-là, il te corrige le hadith, il te dit non. Il te corrige la aqida aussi. Il se dit non, dis pas sattar, dis sittir. Subhanallah al-Azim. Des montagnes qu'Allah Ta'ala a créées, des montagnes dans le ilm. Naam. Tfadl, inshallah ta'ala. C'était ça, inshallah ta'ala, la réponse, que ce n'est pas sattar, mais c'est sittir. Tfadl, inshallah ta'ala. J'espère que c'était seulement ça la question, que j'ai pas oublié autre chose. Naam, alhamdulillah, cher. Je confirme, c'était bien ça la question. Vous n'avez rien oublié, alhamdulillah. Hanout al-Kalam, je vous retire leur aide. Vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Cheikh. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Est-ce que mon fils peut prendre le micro pour poser la question? Bien sûr, Inch'Allah. C'est Sofiane, si je me souviens bien. Prends le micro, Inch'Allah, Sofiane. Hel Inch'Allah, je crois bien que Hanout El Kalam a été déconnecté. Hel Inch'Allah. Donc on va attendre qu'elle se reconnecte, enfin qu'il se reconnecte et que soit présent comme ça Inch'Allah, son fils pourra poser la question. Moussab, je vous retire le raid Inch'Allah pour pas perdre de temps, posez votre question. Salam alaikum, Shir. Est-il permis de porter un petit livre de courant sur soi en croyant que ça nous protège d'un malheur? Barakallahu fikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Fi saut. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Il est interdit de porter un courant sur soi ou bien un livre de hadith en se disant dans le cœur que il peut éloigner de moi des malheurs. Comme font certaines mères, elles mettent le Coran sous, ça s'appelle l'oreiller, sous l'oreiller du bébé. Elle dit comme ça, Inch'Allah Ta'ala, il va rien lui arriver. Naam, il va pas lui arriver de malheur, et le shaitan ne peut pas l'approcher, etc. Ceci n'est pas vrai, mais idnillah azza wa jal. Le Coran, Allah Ta'ala l'a fait descendre pour qu'on connaisse Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on connaisse qu'est-ce qu'il veut de nous. Faites telle chose, ne faites pas telle chose. Faites telle chose, elle vous rapproche de moi, ne faites pas cette chose, elle vous rapproche de Jahannam. Et comme ça, pour appliquer ce qu'il y a dans le Coran. Ce n'est pas pour le prendre comme talisman ou bien le prendre comme bénédiction, comme baraka et ou là comme font certaines personnes qui l'accrochent dans leur bureau. Certaines personnes qui sont très loin de la pratique de l'islam, quand tu rentres dans son bureau, un grand bureau, mashallah, yani, les grandes chaises, les grands fauteuils, en chose pour les hadiths. D'ailleurs, il s'est passé une fois dans l'histoire de l'islam que les kuffars sont rentrés dans un pays musulman et les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de s'entretuer avec eux et de faire le djihad, ils ont couru vers la mosquée et ils se sont mis comme ça en groupe et ils ont commencé à lire Sahih al-Bukhari. بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء هو الطهور comme ça ils commencent à lire des hadiths, ils disent ça va éloigner de nous les ennemis. Et les ennemis, bien sûr, quand ils ont vu que les musulmans ont fait cela, ils ont su bien sûr qu'ils connaissaient pas donc leur dîn et qu'ils sont donc très faciles à être colonialisés. Naam, comme je dis, tout ça rentre dans le djihad. Et le chapelet dans la voiture, Sibha, naam, Sibha, ou bien il la met en croyant que ça porte un bonheur et ça éloigne un malheur et ça s'appelle du shirk, ou bien qu'il sait qu'elle ne fait rien, ni éloigne un malheur, ni rapporte un bonheur. Mais il l'a fait, il la laisse seulement, comme ça, yani, dans la voiture, pour 10 ans, parure. Et alors là, il a fait un péché. C'est quel péché? Le péché de s'être fait ressembler aux soufis. Ce sont les soufis. Là, elle dit que chapelet est venu des bouddhistes. Ensuite, il est allé chez qui? chez les chrétiens, dans l'âme. Ensuite, il est passé aussi aux musulmans. Il est passé aux musulmans. Mais vous voyez pas que le chrétien, il a un chapelet sur son cou, l'âme. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais fait le tasbih, subhanallah, subhanallah, avec le chapelet. Au contraire, il a dit dans un hadith authentique, il a dit qu'il fallait faire le tasbih avec les doigts. Car, le jour du jugement dernier, elles vont parler. Naam. Les phalanges vont parler. Elles vont dire, subhanallah, tes doigts vont parler. Ils vont dire, subhanallah, subhanallah, subhanallah, pour celui qui faisait le tasbih avec ses doigts. Et celui qui faisait le tasbih sur le chapelet, il va attendre que le chapelet vienne. Attends que le chapelet vient de il sort de la tombe et il va monter chez Allah pour faire. Bien sûr, il sera ce jour-là malheureux. Naam. Tfadlal, inshallah, hayakallah, tfadlal. Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Salam alaikum Shir. C'est Sofiane de Belgique. J'espère que vous allez bien. Je suis à côté de ma soeur. Et elle vous entend aussi. Ma question c'est à propos d'elle. Parce que quelquefois souvent, elle répond à ma mère. Et un jour, ma mère, je me souviens, elle avait dit que c'était écrit dans le Coran que même souffler, il fallait pas sur les parents et que ça met en colère Allah Ta'ala. Alors, si, Inch'Allah, si vous pouvez lui expliquer à ma sœur, à moi aussi, comment ne pas énerver Allah. Et aussi, si vous pouvez ouvrir vos PV, Salam alaikum, Shir. Et j'espère que je ne suis pas resté trop longtemps. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh Soufiane. Avant que je réponde à ta question, je vais demander à Ibn al-Qayyim s'il a bien entendu de me répéter son début. Naam. J'ai pas bien compris son début. Tfazal Ibn al-Qayyim. Salam alaykoum. Donc, si j'ai bien entendu, le début de la question, il disait que sa sœur répondait à sa mère au fait, et que voilà. Sofiane, je te laisse confirmer, Inch'Allah, si je me suis trompé. Sofiane, Inch'Allah, on te laisse le micro pour que tu puisses répéter ta question. Barakallahu fik. C'est ça, pour cette question. Et c'est tout, c'est ça. D'accord. Est-ce que, Sofiane, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là pour écouter, Inch'Allah Ta'ala, la réponse? Sofiane, est-ce que tu es là? Alhamdulillah. Alhamdulillah. D'abord, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala shaf mursalin. Je suis très content de toi, Bid'na Azzawajal, qui gagne, on se connaît depuis pas mal de temps, bi'idna azza wa jal, et que masha'Allah, naam, à cause de sah, latifa, naam, et que, insha'Allah ta'ala, il a dit tout jeune comme ça, tu es, masha'Allah ta'ala, tu essaies de pratiquer ce que tu peux faire, et de t'éloigner, yani des péchés, masha'Allah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhill la dhilluh. Et il a dit qu'il y avait 7 personnes qui seraient sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah Ta'ala. Et il a dit, entre autres, un, quelqu'un qui tout jeune a commencé, mashallah, à pratiquer. Naam, quelqu'un qui tout jeune a commencé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme nous qui restons jusqu'à l'âge de 30 ans ou la 35 ans et on commence à adorer Allah. De toute façon, c'est accepté, ma'alish. Mais celui qui commence comme ça dès très jeune, il vaut, subhanallah al-azim, et il vend sa vie à Allah Ta'ala, celui-là c'est sûr qu'il aura beaucoup beaucoup de récompenses, et ça suffit qu'il soit sous l'ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre. Naam. Deuxièmement, je profite vite pour te faire un petit rappel et pour te dire que n'oublie pas que tu es en Belgique. Naam. Qu'en Belgique, c'est le nid des takfir. Naam, la Belgique, c'est le nid où il y a le takfir, et alors prends bien soin de toi de ne pas fréquenter des gens. Naam, de ne fréquenter que Al-Sunnah ou Jama'a. Quand tu veux faire un ami, il faut que tu saches et que tu demandes et que tu fasses l'enquête, que ça soit quelqu'un qui soit dans le minhaj, quelqu'un qui aime les ulama, quelqu'un qui, yani, connaît sa religion bidna azza wa jal, et n'est pas un jahl. Car la Belgique, comme vous devez tout savoir, c'est le nid des takfiriens, parce qu'il n'y a pas là-bas de ilm, et on a coupé les gens des ulamas. On leur dit, les ulamas c'est des koufars, donc il ne faut pas les suivre, il faut qu'on se suive nous. Nous on va faire des fatwas entre nous, il n'y a pas d'alam. Allah yahdihum. Troisièmement, c'est un grand péché pour la personne qui n'obéit pas à son père et à sa mère. Naam. Sauf si nos parents nous demande de faire quelque chose qui est interdite par l'islam. Regarde, Sofiane, tu es devant ta mère, et je te dis devant elle, si demain, naam, elle te dit par exemple, va acheter des cigarettes pour ton père, tu lui dis non, j'achète pas des cigarettes, la cigarette c'est haram, c'est pas moi qui l'achète, la cigarette c'est haram. Naam, quand nos parents nous ordonnent de faire le haram, ne pas leur obéir, on a des récompenses. Mais quand nos parents nous demandent de faire quelque chose qui n'est pas interdit en islam, naam, et qui ne contient pas de mal, alors on doit la faire bi'idna azza wa jal. On doit la faire. C'est pour ça que Latifa, inshallah ta'ala, il faut lui faire des petites nasiha pour qu'inshallah ta'ala, elle n'attire pas la colère d'Allah ta'ala lorsqu'elle, naam, répond à sa mère. Quand notre père et notre mère nous parlent, naam, on leur dit hadar, hadar, naam, hadar, tant qu'ils ne disent pas quelque chose, yani, qui contredit l'islam, ou là, tant qu'ils ne disent pas quelque chose de faux, s'ils disent quelque chose de faux, on leur corrige, c'est pas interdit, on leur corrige, mais avec sagesse, avec hikmah et avec sagesse. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de vous, yani, des enfants pieux et des enfants dans le minhaj, des enfants salafi bi'idna azza wa jal, et qui vous fasse rentrer le paradis demain quand vous allez le rencontrer bi'idna azza wa jal. Naam, tfadlal inshallah le prochain. Grande étoile inshallah, vous n'avez plus le raid, c'est à vous inshallah. Yani, et j'ai reçu des PV de certaines personnes qui reçoivent un lien. Ce lien, je le mets sur la room. Yani, il n'y a pas de problème. C'est un bon lien. Je connais le frère qui est responsable de ce blog. Alhamdulillah, c'est un bon blog. Mais Barakallahu fikoum de me prévenir quand vous recevez des liens. Yani, je préviens tout le monde, si vous recevez des liens ou des documents, etc., prévenez-moi en PV. Barakallahu fikoum. Grande étoile, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Naam, t'fadli, Inch'Allah. Posez la question. Non, elle n'est pas apparue, donc Inch'Allah, donnez-la moi en PV. Barakallahu fikoum. Je réponds à un PV, il n'y a pas de souci, achi, je connais le frère qui a fait ce blog. Alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Même passons au prochain, Inch'Allah. Gagné 2001. Tout dans Inch'Allah. Salam alaykoum. Il me semble que la question est sur le sujet. Si ce n'est pas le cas, ne répondez pas à ma question. En Algérie, le vendredi, certaines personnes disent qu'ils veulent faire une ziyala, c'est donner de l'argent à l'imam et lui demander de faire des doigts. Est-ce que cela entre dans le shirk? Est-ce licite? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous préserve, shirk. Vous m'entendez, Inch'Allah? Alaykoum salam, rahmatullah. Naam. Je veux corriger quelque chose dans la aqida à beaucoup de gens qui se trompent. Naam. Beaucoup de gens qui se trompent. Inch'Allah ta'ala, je veux leur corriger cette chose. Naam. C'est devenu courant que les personnes, quand ils se rencontrent, hein, avant de se séparer, lui dit, fais-moi des doigts. C'est comme ça. Naam. Demander à quelqu'un de lui faire du doigt, naam, ce n'est pas de la sunna. Et ceux qui se basent sur le hadith, qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar al-Khattab, quand il est allé faire la Umrah, il lui a dit, fais-moi des doigts, ne m'oublie pas dans tes doigts. Ce n'est pas de la sunna, ce n'est pas vrai. Le hadith n'est pas sahih. Naam, le hadith n'est pas sahih. Regardez. Quand tu demandes à quelqu'un de te faire des doigts, d'abord, bi'idna azzawajal, tu t'es un peu humilié devant lui. Naam. Tu as laissé Allah Ta'ala qui t'a demandé de lui faire directement un doigt à lui. Toi, tu veux passer par un intermédiaire. Tu veux dire non, je passe pas directement. La relation est coupée. Donc je passe par un intermédiaire. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِذِي قَارِيبُ وَجِبُ دَعْوَ الدَّعِي دَدَعَ. Si Allah Ta'ala, il a dit, si quelqu'un vous demande de moi, dites-lui, je suis très près. Qu'il me fasse des doigts, je suis très près. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas loin pour qu'il te faut un intermédiaire pour qu'il accepte. Allah Ta'ala accepte de toi même si tu es le plus pauvre et le plus laid. Naam, le plus laid, le plus pauvre. Tu travailles comme éboueur. Il accepte de toi tes doigts si tu remplis les conditions. Et si tu es le plus beau, le plus riche, et celui qui a une grande un grand poste, et il n'est pas sincère, et il fait le péché, Allah Ta'ala n'accepte pas de lui ses doigts. Naam. Donc, la vraie chose, ici c'est plus grave, si on va et on lui donne de l'argent, subhanallah al-azim, on lui donne de l'argent, et on lui dit, fais-nous des doigts. Ça veut dire que notre cœur s'est attaché à cette personne, subhanallah al-azim, au point où encore on lui donne de l'argent pour qu'il nous fasse des doigts. Tout cela, ce n'est pas vrai, bi'idna azzawajal. Ce n'est pas vrai. Et il faut faire attention de cela, bi'idnillahi azzawajal. Si une personne de temps en temps voit que c'est une autre personne, c'est un grand savant, il lui dit par exemple, fais-moi un doua ou là en une circonstance particulière. C'est possible, ce n'est pas haram. Mais faire ça couramment avec toutes les personnes, fais-moi des doua, naam. Fais inshallah toi-même des doua. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu dis moi je suis faible, etc., je te dis, fortifie-toi. Qu'est-ce qui t'empêche de te fortifier? Justement, c'est une raison. Raison de plus. Va te fortifier. Fais ce que Allah Ta'ala veut, éloigne-toi des péchés et tu seras comme tout le monde, t'es tes doigts seront acceptés bi-idhnillahi azzawajal. Exceptionnellement, oui. Non, mais on ne va pas à la personne lui donner de l'argent. On ne va pas à la personne, on lui donne de l'argent. Ensuite, autre chose, on ne va pas chez l'imam. Naam. Ce n'est pas l'imam qui a l'akhir, qui a les doua exaucés. Ce n'est pas l'imam. Naam. Ce sont des personnes qui, des fois, yani, quand tu le vois, tu sens que c'est quelqu'un de pieux, quelqu'un de... Masha'Allah. Tu sens son cœur qui est illuminé, Masha'Allah. Naam. C'est celui-là. Naam. Tfadla, Masha'Allah ta'ala. السلام عليكم. Est-ce que vous avez du son? Salam alaikum. Alhamdulillah. Salam alaikum. Ahyakallah Cheikh. Nous savons tous qu'il y a Tahat al-Zawaj et son importance. Cheikh, comment faire de nos jours pour ne pas souffrir du profitage des frères sur leurs femmes? La perversité a touché certaines personnes de la Oumma. Des fois, crier permet de se faire respecter. Mais comment ne pas rentrer dans la désobéissance d'Allah Ta'ala? J'espère que vous voyez ce que je veux dire, Shir, car c'est très vaste. Wa barakallahu fikum, désolé, car c'est hors sujet par rapport au cours. Mais en France, on a des histoires de couples à tomber par terre. Allah al-Musta'an. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Naam, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Certes, comme a dit cette personne, ce qu'il y a en France chez les couples n'existe partout, n'existe pas ailleurs, c'est vrai. Si vous saviez, moi, ce qu'on m'envoie comme lettre, pour me poser des questions, comment on fait, etc., quelle est la solution, et on me raconte ce qui se passe entre les couples, entre les frères, c'est ça la mouchkila, frères et sœurs. Si c'était une idée des gens qui font pas la prière ou là, qui sont loin, sont excusés, ou là, des kofars. Non, masha'Allah, les frères et des sœurs, les salafis même, salafis, masha'Allah. Et il y a des choses. Ouf, maintenant j'ai mal au cœur quand je pense à ça. Non, je préfère oublier. Donc je dis que, alhamdoulilah, naam, Allah subhanahu wa ta'ala a donné les droits et les devoirs. A donné des droits et les devoirs. Aucun homme n'a le droit, naam, de faire de sorte que sa femme soit avilée. Naam, il doit la respecter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elles sont chez vous, il a dit awain, elles sont chez vous des prisonnières. Naam, elle est chez toi comme une prisonnière, subhanallah. Elle s'est éloignée de sa famille, elle est avec un étranger, subhanallah. Donc, il faudrait quoi? Il faudrait faire le maximum pour la faire sentir que elle n'a pas, elle n'a rien perdu en s'éloignant de sa famille, etc. Mais il faudrait au contraire la compenser. Il faudrait essayer de lui donner la chose qu'elle n'avait pas eue chez ses parents. Au contraire, naam. Et c'est pour cela que il faudrait savoir aussi autre chose, que les problèmes arrivent et arriveront jusqu'à la fin du monde. Le problème du couple existe. Et il sera jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un couple qui n'a pas de problème. Mais ces problèmes, est-ce qu'ils sont quotidiens, ou bien ils arrivent une fois par mois, ou bien ils arrivent une fois par année? Naam. Plus le couple est vraiment dans le din, avec tout ce qu'il y a comme bon comportement, et la science, et la douceur, et la sagesse, et la hikma, plus les problèmes sont moindres. Ils arrivent alors une fois par exemple par an, ils arrivent une fois par trois mois. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que ce sont des problèmes quotidiens, subhanallah, quotidiens. Et beaucoup de personnes se marient sans avoir encore la maturité. Naam, sans avoir encore la maturité qu'il faut. C'est pour ça que il ne donne pas au mariage sa vraie portée juridique. Mais le mariage pour lui, c'est un assouvissement de plaisir. Après un mois, il peut facilement dire à la femme, c'est terminé entre nous. Ou bien tu peux aller chez toi, je veux me marier une deuxième. C'est un jeu. Naam, comment on change les chaussures? Après deux mois, je veux changer mes chaussures. Naam. Ou là, j'ai vu une nouvelle sœur plus belle. Ou là, je veux changer. Naam. Certains, pour eux, le mariage, c'est un jeu. Pourquoi? Ils ne se marient pas vraiment avec la conviction qu'il va faire ça. Fi sabilillah. Il va se marier pour avoir, masha'Allah, yani, agrandir la umma, avoir des soldats, de nouveaux soldats musulmans vont naître. Non, celui-là, il met entre ses yeux seulement naam, les assouvissements des plaisirs. C'est-à-dire seulement ce qui se passe dans la chambre à coucher, c'est tout. Naam. C'est pour ça que pour lui, le mariage n'a pas de valeur. Il ne connaît pas la portée du mariage. La plupart dans le mariage, c'est les femmes qui, la plupart, connaissent la portée. Naam. Elles savent que c'est quelque chose, yani, qui peut durer 20-30 ans. C'est pour ça que la femme devient vite mature. Masha'Allah, vite. C'est pour ça que vous remarquez que la femme, à 14 ans, elle peut se marier. Et si un homme se marie à 14 ans, il va remplir ses poches de billes. Et il va acheter la toupie. Il va acheter la toupie et les billes. Et il va rentrer en jouant avec les billes. Mais la femme à 14 ans, oh, elle est masha'Allah. Aïcha s'est mariée à 9 ans, radiallahu ta'ala. À 6 ans, elle a déjà fait l'acte, yani le pacte de mariage. À 9 ans, elle était déjà femme, masha'Allah. Le prophète alayhi sallam est mort, il l'a laissé à quel âge? À 18 ans. À 18 ans, et elle a vécu jusqu'à 65 ans. Elle est restée 40 ou 45 ans, masha'Allah, sans mariage. Sans mariage. Imaginez une sœur à 18 ans, classe, elle perd son mari à 18 ans. Elle reste jusqu'à 63, 65 ans. Sans mariage, patiente, sans faire le haram, sans faire la zina, sans être approchée par un homme. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah, Aïcha radiallahu ta'ala, notre mère, les chayatines des chiites, des rawafides, disent que elle a fait la zina. A'oudou billah, a'oudou billah. Lakum min Allah ma tastahiqun, alaykum min Allah ma tastahiqun. Ya khubatha ya chayatin. Naam. Tayeb, tout cela, je voulais dire que, yani, dans le mariage, il faut patienter. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a bien dit dans un hadith sahih. Qu'est-ce qu'il a dit? Un musulman ne déteste pas, ou plutôt un croyant. Il a dit, un croyant ne déteste pas la croyante. S'il voit en elle un défaut, alors qu'il se rappelle des qualités qu'elle a. Naam, ta femme, tu vois seulement son défaut. Tu as un œil, toi, tu n'as pas deux yeux. Pourquoi tu fermes l'autre œil? Ouvre le deuxième œil et vois quelles sont les qualités qu'elle a. Regarde combien elle a souffert avec tes enfants. Pour les élever, pour les allaiter, pour les habiller, pour ceci, pour cela. Regarde, pour qu'elle soit enceinte, pour ensuite les locher, ensuite. Tu as oublié tout ça. Parce que elle a dit un mot, parce qu'elle a levé sa voix. Khlas, je divorce. Oh, je divorce. Tu n'as rien, toi. Ah, il y a d'autres sœurs qui m'attendent. Je divorce. Subhanallah al-Azim. Où est l'islam, subhanallah al-Azim? L'islam. Où est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi on se dit salafi? On ment. Beaucoup de nous sont des menteurs. Beaucoup de nous sont des menteurs. Naam. Le salafi, c'est d'abord montre-moi le comportement. Naam, c'est pas seulement la langue basse. Montre-moi ton comportement. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, le meilleur de vous, c'est le meilleur avec sa famille. Et je suis le meilleur avec ma famille. Naam, le meilleur de vous, c'est le meilleur avec sa femme. Quand quelqu'un, on veut savoir s'il est le meilleur, on ne voit pas comment il est habillé, c'est tout. S'il a la barbe, il a le khamis qui est sur les cheveux. Elle dit, c'est bien, c'est mashallah. Mais attends, on va voir à la maison comment qu'il est avec sa femme. Attends, on va voir à la maison comment qu'il est avec sa femme. C'est là-bas qu'on peut dire celui-là, c'est notre meilleur, il est mieux que nous. N'âmes. Je dis à ma sœur qui a posé cette question, de, inchallah ta'ala, de patienter. Et tu sais que ce qui arrive avec le mari, tu as des récompenses. N'âmes. Les problèmes qui arrivent et tu es là à patienter, à pleurer, à faire des doigts, tout cela, inshallah ta'ala, rentre dans le djihad. Naam. Et tu as de grandes récompenses. Idnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yudhi' ajr al-muhsinin. Une épine, comme a dit le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, une épine qui te pique, Allah ta'ala te donne des récompenses pour l'épine. Qu'en est-il pour le mari qui t'a insulté, ou l'a insulté ta mère, ou l'a ton père, ou t'a dit ceci, ou l'a t'a frappé? Qu'en est-il pour cela? Tout cela, ce sont des grandes, grandes récompenses qui t'attendent, bi'idhna ta'ala, demain. Naam, tfadzal, hayyakallah, tfadzal. Salam alaikum. Voilà ma question. Salam alaikum. Une personne qui, dans son sommeil, est harcelée par les shaitans, en arrive à avoir peur de dormir toute seule et a besoin de lumière pour dormir, si son mari n'est pas là. J'attends la suite, inshallah. Est-ce que cette peur est louable, ou est-ce que ça rentre dans le petit shirk qui ne fait pas sortir de l'islam? Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Fih saut, akhi al-karim, fih saut. Naam, alhamdoulillah. Non, des fois on a des ouswes. Des fois on a des ouswes. Des fois le cœur est faible. Naam, est faible. Il n'est pas assez illuminé. Il ne contient pas assez de lumière, assez de science, assez de sunnah, subhanallah, dans le cœur, pour, yani, pour, disons, pouvoir parer à ces ouswas qui viennent. Il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent jamais de dormir dans l'obscurité. Beaucoup de personnes. Ça ne rentre ni dans le shirk, ni rien. Ça rentre dans quoi? Dans la faiblesse de la personne. Cette personne est faible, elle ne peut pas dormir de la nuit dans l'obscurité, à la peur. Naam. Je vous donne un autre exemple. Jusqu'à nos jours, il y a des personnes qui ont peur, par exemple, d'aller au cimetière la nuit. Tu lui dis, par exemple, on va au cimetière la nuit? Tu dis, c'est pas possible, tu peux pas. Pourquoi? Il a peur. Naam, il a les ouswas. Il dit, peut-être, je sais pas, le mort va sortir, il y a des shayatin, il y a... Tout cela, bien sûr, n'est pas vrai. Tout cela n'est pas vrai. Mais on va pas lui dire pourquoi tu as peur. Pourquoi tu as peur? Non, on va pas lui dire pourquoi. Je dis que la personne, cette personne devrait quoi? Illuminer son cœur, inshallah ta'ala, en faisant beaucoup de zikr. Non, en lisant, par exemple, la citadelle du musulman. Et en ayant, ma soeur, le ménage, elle fait des infos, mais son problème de djinn. Non, je sais qu'elle a des problèmes. Sinon, je n'avais pas dit cela. Je sais qu'elle a des problèmes. J'ai commencé par dire ouswes. Toute personne qui a des ouswes peut avoir la même réaction que cette sœur, peut avoir la même réaction que cette personne. Mais je suis sûr, inshallah ta'ala, que viendra le jour où elle triomphera sur eux, en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander de quoi? D'éloigner de lui ces mauvaises créatures, bi'idhna azza wa jal. Tout à l'heure j'ai dit que le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit quoi? A dit, il y a deux grandes ni'ma que les personnes, beaucoup de personnes, yani, ne lui donnent pas leur valeur. Qu'est-ce qu'il a cité entre autres? La saha. Saha, c'est quoi? C'est la bonne santé. Naam. Nous, qui sommes en bonne santé, on ne remercie pas Allah Azza wa Jal. Naam. On attend, comme les kuffars, qu'il nous arrive des problèmes de santé, pour alors lever les mains et dire, ya Allah, guérissez-moi, ya Allah, je suis malade, ya Allah, aidez-moi. Non, maintenant, quand on est en bonne santé, on ne fait rien. On ne remercie pas Allah Ta'ala, on ne dit pas Alhamdoulilah. On ne dit pas non. On attend qu'on ait la maladie pour lever les mains vers Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pour ça que je dis à mes frères et mes sœurs, si vous saviez, vos frères et vos sœurs, qui ont seulement des problèmes avec des djinns et le sihr, alors vous leverez sûrement les mains vers Allah pour dire à Allah, Alhamdoulilah, que vous m'avez préservé de cette chose. Surtout les sœurs, en France seulement, en France, des centaines, en France, des centaines qui ont le sihr, qui ont le djinn, qui ont le miss. Naam. Et toi, Alhamdoulilah, tu n'as rien de cela, profite pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. N'attends pas que la chose te vienne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ta'arraf ala Allah fi raha, ya'rifka fi shidda. Connais Allah quand tu es à l'aise, il te connaîtra quand tu es dans les difficultés. Car connaître Allah dans les difficultés, tout le monde connaît Allah dans les difficultés. Je vous ai dit même le kafir. Le kafir qui ne croit pas en Allah, quand il a la difficulté, il dit « Oh Allah, aidez-moi. Oh Allah, aidez-moi. » Il dit comme ça. « Oh Dieu. » Pardon, il ne dit pas Allah. « Oh Dieu, aidez-moi. » Non. Mais le vrai croyant, c'est quand il est à l'aise, il connaît Allah. C'est pas seulement quand il est dans des difficultés. Non, non, non. Quand je suis à l'aise, je dis, j'ai une bonne santé. Je dis, Alhamdulillah, ya Rabbi, que je vois, alors qu'il y a des aveugles. Alhamdulillah, ya Rabbi, que j'ai deux mains, alors qu'il y a des gens qui ont les deux mains amputées. Alhamdulillah, que j'ai deux jambes. Je vois des gens qui sont sur la chaise roulante, avec subhanallah al-azim. Ils peuvent pas marcher, ils marchent avec les piquets. Alhamdulillah, que j'ai pas le cancer. Il y a des jambes sakines. Sans l'hôpital, avec le cancer, en train d'attendre qu'il meure, c'est tout. Non, il n'y a pas la solution. Alhamdulillah, j'ai pas le sida. Beaucoup de gens ont le sida. Alhamdulillah, Allah m'a préservé. Alhamdulillah, ceci, cela, cela. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Si vous allez compter les ni'mat d'Allah, normalement, vous ne pouvez pas les compter. Allah Ta'ala dit dans le Coran. Vous ne pouvez pas compter les ni'mat. Mais est-ce qu'on est conscient des ni'mat? Est-ce qu'on est conscient? Disons la vérité, pourquoi on ment? Est-ce qu'on remercie Allah? On remercie toute la journée, on remercie Allah Ta'ala pour ces ni'mas qu'on a. Je demande à Allah Ta'ala qu'il nous guide, et qu'il illumine nos cœurs qui sont noirs et qui sont durs comme de la pierre. Tafadhal ya le suivant, inshallah, tafadhal. Donc je pose la question à Abou Ziyad tout d'abord. Assalamu alaikum ya Cheikh. Je voudrais inchallah apprendre ma aqida, ma religion en général, mais dans quel pays peut-on apprendre la science sachant que je n'ai pas le bac pour les universités? Est-il possible au Koweït? Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez, Inch'Allah? Hayyakumullah, hayyakumullah. Sachant que je n'ai pas le bac. Naam. Quand quelqu'un n'a pas le bac, naam, ici au Koweït, et d'ailleurs je crois partout si je ne me trompe pas, quand quelqu'un n'a pas le bac, on ne peut pas l'accepter à la faculté, c'est connu. C'est quoi d'ailleurs la faculté? La faculté, c'est un institut où on ne rentre que si on a le bac. Naam. Mais je voudrais t'annoncer la bonne nouvelle que celui qui veut apprendre la aqida, c'est pas obligé qu'il passe par la faculté. Naam. C'est pas obligé. Regarde les hommes de science. Naam. Il y a des gens qui sont jamais passés par la faculté. Naam. Tu peux aller aux endroits où il y a les ulama et poser tes mains sur leurs genoux et baisser ta tête et demander le ilm, demander la science. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, et si Allah Ta'ala sait du bien dans vos cœurs, il va vous donner du bien. Naam. In ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran. Quiconque voudrait apprendre et voudrait apprendre sincèrement, Allah Ta'ala lui ouvre ses portes. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. أن تتق الله يجعل لكم فرقانا. Quiconque veut apprendre et apprendre sincèrement, je ne veux pas apprendre pour que les gens disent celui-là il est mashallah, celui-là. Non, je veux apprendre pour connaître Allah, connaître le Dieu que je suis en train, subhanallah al-azim, d'adorer. Subhanallah al-azim, vous savez que il y a un Dieu qui s'appelle Allah. C'est le seul, le vrai, qui nous a créés et il nous a ordonné de l'adorer. Or, Allah Ta'ala, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, je parle des musulmans, pas des kuffars, ne connaissent pas ses attributs, subhanallah, ne connaissent pas ses noms. Tu lui dis, est-ce que Al-Muhyi, c'est un nom d'Allah? Tu dis, je sais pas. Est-ce que le Mubdi, c'est un nom d'Allah? Je sais pas. Tout à l'heure, on parlait de Sattar, Sittir. Tu dis, je sais pas. Subhanallah. Attends, je vais te répondre. Dans quel pays? Par exemple, en Arabie Saoudite. Mais tu vas me dire, c'est difficile. Naam. On n'a pas quoi? On n'a pas la résidence. On n'a pas la résidence. Naam. Mais, tu peux, par exemple, si tu veux, dans un pays, par exemple, comme le Koweït. Car quelqu'un qui est, s'il a la nationalité française, s'il vient au Koweït, il n'a pas besoin de résidence, on la lui donne facilement. Si tu veux venir dans les mosquées, suivre les doros, etc., c'est beaucoup mieux, bien sûr, qu'en France, bi'idna azza wa jal. Naam. C'est aussi au Yémen. Beaucoup de gens apprennent beaucoup au Yémen. Mais le Yémen, c'est un pays où il y a beaucoup de fitna. Des gens armés, etc., on risque vite de se trouver à Guantanamo, dans une prison, en disant de toi que c'est toi le plus grand terroriste qu'il y a sur Terre. Al-Muhim, je disais que moi qui vous parle, j'ai un nom. Moi je m'appelle Mohamed. L'autre il s'appelle Farid, l'autre s'appelle Omar. Il y en a qui ont deux noms, trois noms. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait au moins cinq noms. Ahmed, Mohamed, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Qasim. Il avait, subhanallah al-Azim, quatre ou cinq noms. Naam. Et Allah Ta'ala a beaucoup de noms. Il a peut-être des milliers. Il y a un hadith où il dit que Allah Ta'ala a 99. Mais ça ne veut pas dire qu'il a seulement 99. Non. Il a 99 parmi des milliers. Si quelqu'un connaît les 99 cités, il va aller au paradis. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il a seulement 99. C'est comme moi je dis, par exemple, je vous donne un exemple, je dis, j'ai deux voitures à vendre. Ça ne veut pas dire que j'ai seulement deux voitures. Mais j'ai 20 voitures. Parmi les 20, j'ai deux à vendre. Naam, j'ai deux voitures à vendre. Allah Ta'ala a 99 noms. Quiconque les connaît, les apprend, les applique, va aller au paradis. Mais ça ne veut pas dire qu'il a seulement 99. Car dans un autre hadith, le prophète A.S. dans la doua, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma as'aluka bi kulli ismin استأثرت به في علم الغيب عندك. Allah, je te demande par chaque nom que tu as caché chez toi, dont tu n'as pas divulgué. Tu l'as pas divulgué. C'est toi seulement qui le connais. Naam, donc Allah Ta'ala beaucoup plus. Bon, je voulais dire, maintenant Allah Ta'ala on ne connaît pas. On ne connaît pas ses noms. On ne connaît pas ses attributs. On ne connaît pas ses actes. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Naam. Regardez. Pourquoi quand quelqu'un veut se marier, il fait le possible pour déjà connaître la fille et avoir des informations d'elle au maximum. Naam, s'il peut, il envoie sa mère. Va voir comment qu'elle est, petite, grande, grosse, mince, les yeux, les cheveux, ceci, cela, ses habitudes, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Pour qu'il essaye d'avoir des affinités avec elle. Plus il y a d'affinités, plus on s'aime. Plus il y a quoi? Il y a une attirance de l'un vers l'autre. Naam. Quelqu'un qui veut aller travailler dans une société, il voudrait connaître le directeur et demande qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. Est-ce qu'il aime que quelqu'un qui vient en kamis? Qu'est-ce qu'il dit de quelqu'un qui fume? Qu'est-ce qu'il dit de quelqu'un qui fait la prière? Tu voudrais bien connaître tout de lui, naam, avant de commencer à travailler chez lui. Maintenant, Allah Ta'ala, on connaît rien de lui. Et on dit qu'on l'adore. Comment qu'on l'adore? C'est pas vrai. Quelle adoration! Car tu fais deux prières, tu fais l'inclinaison, tu te relèves, tu dis Allahu Akbar, tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as pas adoré. Naam, la prière c'est une chose obligatoire, si tu la fais pas ici, tu vas aller en enfer. Mais as-tu adoré Allah ta'ala? Comment l'adorer? Allah ta'ala dit dans le Coran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Vous avez entendu? Fa'alam, apprends, annahu la ilaha illallah. Apprends qu'il n'y a de divinité, yani vrai, que Allah Ta'ala. Vous avez remarqué, il n'a pas dit la ilaha illallah. Il a dit apprends qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration que Allah. Subhanallah l'azim. Il n'a pas dit, il a dit apprends. Donc la aqida, je l'apprends. Je ne la dis pas, je ne l'apprends pas de mon père. Je l'apprends comme était mon père et je le suis. Non. Il se peut que mon père était dans l'erreur. La aqida, je l'apprends avec ses dalils. Avec ses dalils. Maintenant, vous, là, dans une salle, en train d'apprendre la aqida, je vous annonce la bonne nouvelle. Que les anges vous entourent. Et que Allah Ta'ala a déjà écrit que quiconque de vous, s'il meurt ou là, c'est le paradis qui l'attend. Car c'est comme ça qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que quiconque sort dans le but de demander la science, il est fi zimmatillah jusqu'à ce qu'il revienne. Et que Allah Ta'ala lui a ouvert déjà yani, un chemin qui mène vers le paradis. Bi'idhn azza wa jal. Naam. Des gens, vous êtes là en train de vouloir connaître c'est quoi l'islam. Comment faire pour me rapprocher d'Allah? Comment faire pour que Allah Ta'ala soit ravi de moi? Comment faire pour rentrer dans son paradis? Comment faire pour m'éloigner des péchés? D'autres sont dans d'autres salons. Comment faire pour, subhanallah, pour faire le haram? Comment faire pour faire la zina? Comment faire pour se donner rendez-vous, faire le haram? Comment faire pour acheter la drogue? Vous savez, je ne sais pas si vous savez, il y a des salons, comment faire pour apprendre la sorcellerie? Comment faire la sorcellerie à une femme pour qu'elle m'aime ou ma voisine pour faire ceci, cela? Non, des salons de sorcellerie. Comment faire pour se donner rendez-vous dans le haram? Subhanallah l'azim. Et vous qui êtes là en train de vouloir se rapprocher d'Allah en connaissant yani, ce qui rapproche de lui pour le faire et ce qui éloigne de lui pour s'en éloigner, c'est sûrement que Allah Ta'ala vous a voulu du bien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah Ta'ala veut d'une personne du bien, il lui apprend la science. Non. Si Allah Ta'ala veut d'une personne le bien, il lui apprend la science. C'est pour ça que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, en se basant sur ce hadith, il a dit, si tu vois que tu n'apprends pas la science, alors sache que Allah Ta'ala ne t'a pas voulu du bien. Si tu vois que tu passes tes journées comme ça, à rire et à plaisanter, et à taper 5, tape 5, tape 5, tape 5, tape 5, et à rire, et à faire des blagues, sache que c'est un peu difficile pour toi si tu meurs. Car Allah Ta'ala ne t'a pas voulu du bien. La preuve, il ne t'a pas ouvert la porte de la science. Il t'a laissé à plaisanter et à rire avec tape 5. Alors que d'autres sont en train d'apprendre, mashallah, et d'avancer jour après jour. Naam. تفضل ان شاء الله ابن القيم تفضل اون با با تاردي ا ساريتي تفضل السلام عليكم شيخ vous prenez encore des questions donc si vous en prenez encore c'est à autour de Umayyub numéro 4 inchallah les trois dernières inchallah donc après Abu Moussa 3 ce sera fini inchallah. Oumayoub, je vous ai retiré le raid. Vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Hassan, je vous retire le raid, Inch'Allah. Donc, si vous êtes prêts, parce qu'apparemment, Umayyub n'est pas avec nous, vous pouvez poser votre question. Ah non. Youb, je l'ai pas retiré. Ah, Darfouane. Ah, je pensais lui avoir retiré. Subhanallah. Attendez. Si c'est bon, elle a vu le raid. Donc, salam alaikum wa rahmatullah, shir. Est-ce qu'il est possible de dire barakallahu fik en remplaçant Allah par d'autres noms d'Allah? Jazakallahu khair. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatou. Ce que je sais moi, c'est qu'on dit barakallah. C'est ce que je sais. Comme dans le hadith sahih, quand le prophète alayhi salam a dit, si quelqu'un se marie, on lui dit barakallahu lak wa barakallahu alayk, par exemple. Naam, wa jama'a baynakouma fi khayr. Naam, je ne connais pas dans la sunna qu'on dit par exemple barakallahman ou barakallbari ou kada. Si on le dit, ce n'est pas haram. Mais ce n'est pas sunna, c'est tout. Si on le dit, ce n'est pas haram. Naam, barak al-Rahman fik, ou barak al-Bari, ou tout cela, ce n'est pas haram. Tu as, en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as remplacé un nom d'Allah par un autre. Ce sont tous les noms d'Allah. Mais sache que Allah, c'est le nom comment on dit ça en français? Autour duquel tous les autres noms tournent. Allah, c'est le nom autour duquel tous les autres noms, hein, les centaines, les milliers qui l'ont, tournent autour de Allah. C'est pour ça, de préférence, laisse, inshallah ta'ala, comme dans la sunna, on dit barakallahu fik. Naam, tfaddal inshallah. Abou Moussa 3, c'est à votre tour, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayou, la question, Inch'Allah, vous l'avez plus? Khair, Inch'Allah, Abu Moussa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir, on dit qu'il y a qu'un seul groupe qui sera sauvé de l'enfer bi'idnillah, et que tous les autres groupes seront jetés en enfer à cause de l'égarement. À cause de l'égarement et des innovations. Est-ce que les tablirs, par exemple, seront parmi ces groupes jetés en enfer? Eftuna ma'jourin, inshallah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Non, tout à l'heure, je me rappelle une chose. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la femme qui devait patienter avec son mari, etc. Non, je me rappelle maintenant pour vous rappeler que chaque lundi, bi'idna azza wa jal, à 20h, et des fois à 19h, cela dépend, s'il y a rien, c'est à 19h, sinon c'est à 20h. Que j'ai commencé un livre très très important sur la femme qui s'appelle la personnalité de la femme musulmane, et que je n'en ai fait qu'un dars, car j'ai commencé lundi passé, et que lundi prochain inchallah ta'ala, le deuxième dars pour yani, la sœur qui voudrait vraiment comprendre yani, comment doit être une femme en islam. Naam. Et je vous ai dit que ce livre parlait de tous les aspects de la femme, de sa prière, de comment qu'elle demande le ilm, comment qu'elle se coiffe, comment qu'elle fait le sport, comment qu'elle se lave, comment qu'elle s'habille, comment qu'elle doit être avec son mari, avec ses enfants, avec son beau-père, avec ses voisins. Il n'a rien dit, c'est Bidna Ta'ala, ce livre, pour celles qui sont intéressées et veulent vivre comme doit vivre la femme la vraie musulmane, bi'idnillah azza wa jal. On revient, inshallah ta'ala, à notre question qui a dit ici, qui parlait de tablir, etc. Je dirais, bi'idnillah azza wa jal, que les tablir, et les Tabliriyoun sont une secte égarée. Naam, car les Tabliriyoun, ils ne connaissent rien de la science. Ils suivent un seul livre qui s'appelle Riyad Salihin et un livre qu'a écrit leur cheikh qui s'appelle Nisabi Tablir. Nisabi Tablir. Naam, cette aqida vient de l'Inde. Naam, c'est plein de shirk. Ils ne connaissent rien du din que d'aller dans des pays, rester 2-3 mois et appeler les gens à faire la prière. Naam. Je dis que quelqu'un qui n'a pas de science ne peut pas, il n'est pas apte à faire la da'wa. Eux, ils vont te dire, Allah, le prophète a dit, Balliru anni walou aya. Naam. Propagez de moi, même si c'est un verset. Naam. Comme ça, ils croient, les pauvres, que ça suffit que tu connaisses un verset et que tu dises aux gens, Allah Ta'ala a dit par exemple, Qul huwa Allahu ahad. Voilà, alhamdoulilah, tu as fait quelque chose, mashallah, en islam. Alors les Tabliriyoun, c'est une secte qui est vraiment, vraiment loin. Je ne parle pas de leur, quoi? De leur sincérité. Naam, je ne parle pas de leur sincérité. Je sais que, inshallah Ta'ala, ils sont sincères, qu'ils veulent l'islam, etc. Mais ça n'empêche, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, Kam min muridin lil khayri lam yablughu. Il a dit, oh, combien de gens veulent le bien mais n'arrivent pas. Car si quelqu'un voulait vraiment le bien, alors il aurait suivi le vrai minhaj. C'est pas la sincérité elle-même ne suffit pas. Et il n'y a pas plus sincère dans l'histoire des musulmans, comme a dit Cheikh l'Islam, il a dit, il n'y a pas plus sincère que les Khawarij. Il n'y a pas plus sincère que les Khawarij. Pourquoi? Parce que le prophète Islam, lorsqu'il les a cités, il a dit, lorsque vous les voyez lire le Coran, naam, vous dites que moi je ne lis pas le Coran. Vous voyez comment qu'ils font la prière, vous dites, yani, moi je ne fais pas la prière. Et si vous voyez comment qu'ils font le jeûne, vous dites, yani, subhanallah al-adhim, moi qu'est-ce que je suis devant eux. Et pourtant il a dit, Kilabu al-anna. Il a dit, ce sont les chiens de l'enfer. Il a dit, khayru al-khalqi wal-khaliqa. Il a dit, la plus mauvaise des créatures, ce sont eux. Et pourtant, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, il n'y a pas une secte dans les sectes égarées qui est plus sincère que les Khawarij. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment, Khal? Ils aiment l'islam. Tu dis, subhanallah, il faut juger avec le Coran. Non, ils ne jugent pas, ces gens-là ne jugent pas avec le Coran. Moi, je veux que vous jugiez avec le Coran. Au point où, Ali ibn Abi Talib, quand il faisait la salat, derrière lui, il est en train de faire la salat, en train de guider les gens, il criait derrière lui, Innal hukmu illa lillah, Innal hukmu illa lillah, seul Allah doit juger, seul Allah doit juger. Subhanallah al-Azim. Donc, qui les a poussés à ça? C'est la sincérité. Mais, qu'a dit le hadith? Il a dit les chiens de l'enfer. La sincérité qui te pousse à faire des choses sans que tu demandes la science, elle te mène en enfer. Car moi, je suis très sincère et j'aime Allah Ta'ala beaucoup. Je vais dire le salat l'Aïd. L'Aïd, c'est dans quelques jours. C'est déjà, c'est mardi, inshallah Ta'ala. C'est mercredi l'Aïd. Je vais dire, moi, je vais faire l'Adhan le jour de l'Aïd. Pourquoi tu vas faire l'Adhan? Tu appelles à la prière. Oh, je te dis, subhanallah al-Azim. L'Adhan, Allah Ta'ala aime l'Adhan. Il n'aime pas que tu dises Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammad Rasulullah. Il n'aime pas ça. Moi, je vais faire l'adhan le jour de l'Aïd. Je suis sincère, c'est ma sincérité qui me pousse. Mais en faisant l'adhan le jour de l'Aïd, qu'est-ce qui se passe? Je suis un mubtadi'a. Et si je meurs, je vais aller en enfer. J'ai ajouté quelque chose dans le din avec sincérité et avec amour d'Allah Azza wa Jal. Donc, question d'être sincère ne suffit pas. Mais si on est sincère, il faut suivre le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé. Et certains vont dire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit innamal a'malu bin niyyat? N'a-t-il pas dit que les actions dépendent des intentions? Et celui-là, il avait une bonne intention en faisant l'adhan. Il voulait que yani Allah Ta'ala l'aime. On lui dit, celui qui a dit innamal a'malu bin niyyat, celui qui a dit que les actes dépendent des intentions, lui-même a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. quiconque fait une action qui n'a pas été légiférée par nous, elle devient contre lui. Elle n'est pas acceptée. Hein? Pourquoi tu prends du premier hadith et tu ne prends pas du deuxième? Alors que les deux, c'est le prophète, le même prophète qui a dit les deux hadiths. Pourquoi tu prends du premier hadith? Car il te convient, et tu ne prends pas du deuxième hadith qui dit que aucune chose n'est acceptée si elle n'est pas basée sur le ilm et le Coran et la Sunna. Le plus sincère du monde, hein, peut se trouver à Jahannam si n'a pas suivi le vrai chemin. C'est pour ça que toute personne ne rentre pas en islam avant qu'elle dise deux choses et fasse deux choses. Ashhadu an la ilaha illallah, c'est le but. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est quoi? C'est le chemin. Naam. Le but. Ashhadu an la ilaha illallah, je vis pour adorer Allah Ta'ala. Et deuxièmement, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est le prophète sallam qui va me montrer comment adorer Allah Ta'ala. C'est pour ça que Sunna wal Jama'a disent on n'adore que Allah, mais on ne l'adore qu'avec sa sharia. Car beaucoup de gens adorent Allah, mais avec les innovations. Naam, avec les innovations, ils adorent Allah. Nous, non, on adore Allah, mais avec quoi? Avec sa sharia. Avec Allah a dit, le prophète a dit. Et ce n'est pas avec les bid'a. Ce n'est pas avec les bid'a. Al-Muhim, je voudrais dire, pour terminer avec les tabliriyin, que cela ne veut pas dire que tous ils iront en enfer. Car dans chaque secte, il y a les juhel qui ne savaient pas, qui étaient en train de suivre. Naam, ils n'avaient pas de science. Et il y a les qui? Il y a les chefs, les grands chefs. C'est surtout ceux-là qui vont être jetés en enfer pour avoir égaré les gens, les avoir poussés à contrarier la sunna. Naam. Sinon, dans les tablir, il y a beaucoup de gens qui sont juhal, ils savent pas. Ils croient que c'est ça vraiment le din. La mesquine, 60 ans, hein, il sait pas, il est reconverti. Tout juste, il vient de se reconvertir, il était chrétien, il est tombé avec les tablir, il croit que c'est ça. Mais ce sont surtout les chefs, les grands chefs, nam, qui, yani, les gens ont suivi. Surtout, ce sont surtout ceux-là qui seront jetés en enfer, bi'idhnillah azza wa jal. تفضل ان شاء الله تعالى dernière question. تفضل. Salam alaykoum. Mon mari a perdu sa mère depuis un an maintenant et il en souffre terriblement au point de faire des cauchemars en criant pratiquement tout le temps. J'essaye de l'aider mais notre couple souffre beaucoup. Je lui propose de faire Rokia mais il ne veut pas faire partie des 70 000 Allah yahdi la yahkun. Ai-je le droit d'insister sur cette ruqya? Pour moi, il faut vraiment avoir un din presque parfait pour espérer faire partie des 70 000. Suis-je dans l'erreur? Barakallahu fikum wa hafidhukallah shaykh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, est-ce que vous êtes là? Yani, puisqu'on ne vous a pas vu prendre le mic. Cheikh, Allahu a'lam, il a peut-être été déconnecté. Cheikh. Ok, Inch'Allah. Salam alaikum. Mon mari a perdu sa mère depuis un an maintenant et il en souffre terriblement au point de faire des cauchemars, en criant pratiquement tout le temps. J'essaye de l'aider, mais notre couple souffre beaucoup. Je lui propose de faire des rokia, mais il ne veut pas pour faire partie des 70 000. Allah yahdi la yahkun. Ai-je le droit d'insister sur cette rokia? Pour moi, il faut vraiment avoir un din presque parfait pour espérer faire partie des 70 000. Suis-je dans l'erreur? Barakallahu fikoum. Alaykoum salam, rahmatullah. Est-ce que tu as... pardon, est-ce que vous m'entendez? Quand j'étais déconnecté. Hayyakoum rahman. Hayyakoum rahman. Naam, c'est inshallah ta'ala la sœur qui a raison. C'est la sœur qui a raison. Car ce n'est pas cela le sens du hadith. Ce n'est pas cela le sens du hadith. Mais, naam, c'est ça part des gens qui dans la jahiliya, subhanallah, déjà voulait faire la ruqya sans déjà être malade, sans déjà être malade, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tadawu, il a dit soignez-vous. Naam, il a dit soignez-vous. Il a dit que Allah Ta'ala qui a fait descendre la maladie a fait descendre aussi quoi, son remède. Ensuite il a dit soignez-vous, le hadith est sahih. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même quand on l'a ensorcelé, Jibril alayhi salam est descendu et lui a fait la ruqya. Jibril alayhi salam a fait la ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un enfant qui pleurait beaucoup. Il a dit, Hella, stalqaytumuh. Il a dit, pourquoi vous lui faites pas ruqya? Il a le mauvais œil. Faites-lui ruqya. Regardez, nous on a un enfant qui n'arrête pas de pleurer, ça nous paraît normal. Mais pour le prophète alayhi salam, c'est pas normal. Il a dit, faites-lui une ruqya. Il a mauvais œil. Et Ja'far, comme c'est connu dans le hadith, elle a dit que elle était très touchée par le mauvais œil. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme avec des joues un peu noires ou un peu jaunes. C'est moi qui ai oublié. Il a dit, faites la ruqya à cette femme. Faites la ruqya à cette femme. Et dans Sahih Ahmed, dans Musnad Ahmed, Sanad Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé comme ça par une ville. Hein, on lui a ramené un enfant, naam, il lui a fait quoi, une ruqya, il lui a ouvert sa bouche, il a fait sortir le djinn qu'il avait, naam. C'est pour ça que, inshallah ta'ala, il est permis de la faire, bi'idhnillahi azza wa jal, et c'est mieux pour cette personne de la faire, inshallah ta'ala, surtout que, s'il l'a fait, il laisse toujours son cœur est toujours vers Allah Azza wa Jal. Son cœur est toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne sortira pas, inshallah, des 70 000. Il ne sortira pas, inshallah ta'ala, des 70 000. Il ne veut s'en remettre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, comme faisait Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Mais je voulais lui dire que beaucoup de musulmans et beaucoup de pieux, etc., allaient chez les médecins. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. Et il dira, est-ce qu'il y a ruqya? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le médecin? Naam. Donc, moi je conseille à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, en se remettant à Allah, si elle n'a pas eu de quoi? De résultat, c'est que bien sûr sa foi est assez faible, alors qu'elle prenne les causes, naam, qu'elle prenne les causes et qu'elle fasse la ruqya comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit faites la ruqya à cet enfant et faites la ruqya à cette femme bi idhnillahi azza wa jal. Naam. Tafadhal, la dernière question inshallah ta'ala ibn al-qayyim. Naam, inshallah ta'ala, vendredi, bidna azza wa jal, c'est le concours. Vendredi, inshallah ta'ala, c'est le concours. Et samedi, les règles du mariage. Et lundi, la personnalité de la femme. Et mercredi, aqida, inshallah ta'ala. Fadlal ibn al-qayyim. Assalamu alaikum. Si une femme sort de chez elle, quitte son mari et veut divorcer, car elle dit que son mari ne l'aime pas et que cela fait 5 ans qu'il essaye d'avoir des enfants, mais hélas, rien. Est-elle dans son droit et son mari n'a rien fait pour la retenir? Barakallahu fik cheikh. Naam, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si une femme sort de chez elle, elle quitte son mari, elle veut divorcer, car elle dit que son mari ne l'aime pas. Cela fait 5 ans qu'il essaie d'avoir des enfants, mais hélas, rien. Est-elle dans son droit et son mari n'a rien fait pour la retenir? Barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est pas comme ça qu'on doit faire en islam. En islam, naam, la femme s'assoit avec son mari, elle fait une assise et il parle. Voilà, ceci, cela, voilà. Si il n'y a pas de résultat, on passe au deuxième verset. Hakam min ahli wa hakam min ahliya. Alors, elle fait venir quelqu'un de sa famille pour la représenter. Et elle demande à son mari qu'il fasse venir quelqu'un de sa mari, de sa famille à lui. Et les deux personnes vont s'asseoir et prendre une décision finale. Ou bien il la divorce, ou bien il décide le khul'a, ou bien il décide qu'il revienne en donnant des nasiha à la personne qui s'est trompée. À la personne qui s'est trompée. On lui donne la nasiha bi'idna azawajan. Mais comme ça, elle claque la porte et elle sort et elle part. C'est un peu style européen. Et ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'islam et la sunna bi'idna azawajal. Car l'islam lui a sûrement donné une solution. Il lui a donné une solution mieux que celle qu'elle avait fait. Sûrement, l'islam te donne toujours la meilleure chose que tu ne trouves pas dans les autres lois. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus belle, la plus complète. Et sûrement que si on revient vers lui, il nous donne l'issue la plus favorable. Donc, je conseille à cette femme de revenir à la maison et de faire une assise avec son mari. Si elle voit que c'est pas le genre qui comprend, alors elle téléphone à son père ou à quelqu'un et elle téléphone aussi à la famille de son mari. Et elle fait une assise pour sortir, Inch'Allah Ta'ala, et donner la dernière يعني décision. Qu'est-ce qu'on doit faire بإذن الله تعالى. نعم تفضل إن شاء الله ابن القيم. السلام عليكم cher. En fait j'ai une question, c'est est-ce que le négus était croyant? بارك الله فيكم cher. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت. نعم. Le négus s'appelle en arabe Najashi. Najashi était un croyant. Et la preuve, c'est qu'il a reconnu. Il a dit, « Ashhadu anna, la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. » Il est dans le Bukhari. Naam. Et ce qui est un délil, un grand délil, c'est un croyant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur lui, alors qu'il était absent. Donc on prend de ce hadith que il est de la sunna, si quelqu'un meurt dans un pays où on ne fait pas la prière sur lui, il est de la sunna de faire, nous les musulmans dans un pays musulman, de faire la prière sur cette personne qui est morte dans un pays où on n'a pas fait quoi, la prière sur elle. Ensuite on prend un autre intérêt qui est aussi important que la sunna que je viens de citer, c'est que Najashi, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, a dit, n'a jamais fait la prière. Encore moins, n'a jamais jugé avec l'islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit de lui que c'était un croyant et que c'était un bienveillant. Comme dans le Bukhari, il a dit, Tufiya rajulun salih, un bienveillant. Alors que, il n'a jamais fait la prière et encore moins jugé avec l'islam. Pourquoi il n'a pas fait cela? De peur que personne n'allait lui obéir et encore mieux, on allait lui enlever sa royauté. Alors on lui enlève tout, on lui dit, tu suis le prophète, alors va chez lui. Et le jette dehors. Et ce n'est pas une cause. Non. Surtout chez le tekfirien. Ce n'est pas une cause. Mais peut-être que certains diront, il ne connaissait pas la charia. Et nous, on le répond, il la connaissait bien. Car le prophète, alayhi salam, a envoyé Ja'far avec un autre groupe. Et Ja'far, radiallahu ta'ala, lui a dit beaucoup de choses. Entre autres, il lui a dit, Allah ta'ala nous a envoyé un prophète qui nous a dit de nous éloigner des idoles et d'adorer Allah seul et de faire la salat et la zakat et d'avoir un bon voisinage et de ne pas mentir quand on parle. Tout cela, c'est la sharia. Naam. Car les takfiris, on se trompe. Ils disent la sharia, c'est seulement si on lapide quelqu'un ou bien on lui coupe la main. Et l'islam, la sharia, c'est beaucoup plus vaste que cela. Tout ce que tu fais toi, qui Allah Ta'ala t'a demandé de faire, ça rentre dans la charia. Quand tu fais la prière, tu as jugé avec l'islam. Quand la femme met le djilbab, elle a jugé avec l'islam. Elle a jugé en elle-même, comme elle doit juger en sa famille, et comme le gouverneur doit juger en quoi? Dans son gouvernorat. Naam, Najashi, il devait faire la prière, et il devait appliquer la charia qui lui est arrivée par le biais de Ja'far. Mais il n'a rien fait de cela. Et il est resté toujours musulman. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renié. Il n'a pas dit non. Ce n'est pas vrai à Ja'far. Tout ce que tu dis, moi je le jette par la fenêtre et je le mets sous mes pieds. Mais au contraire, il a eu la larme qui coulait dans les yeux et il a dit, si je pouvais, j'allais me mettre ma jeu. Il n'y a pas de son. Khlas, il n'y a pas de son. C'est que le dars s'est terminé. S'il n'y a plus de son. Naam. Ah bon, il est revenu. Et où est-ce que je me suis... Je me suis arrêté où? Où je me suis arrêté? Peut-être vous n'avez rien entendu, ça? À l'instant. Alhamdoulilah. Une seconde. Ah, alhamdoulilah. Naam. Je disais que les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre que lorsque Allah Ta'ala a dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَوْلَيْكُمُ الْكَفِرُونَ, celui qui ne juge pas avec l'islam est un kafir. Il ne parlait pas des gouverneurs, mais il parlait de tout le monde. Quiconque ne juge pas avec l'islam est un kafir. Moi, toi, ma mère, mon grand-père, le directeur, le policier, tout le monde, le jardinier, quiconque ne juge pas avec l'islam, c'est un kafir. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand deux personnes se sont disputées et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné raison à Ibn Zubayr, l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah, parce que c'est ton cousin. Allah Ta'ala fait descendre un verset où il dit, فَلَا وَرَبِّكَ لَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Allah Ta'ala s'est juré par lui-même. Je jure par moi-même que ils ne sont pas des croyants jusqu'à ce que, quoi? Jusqu'à ce qu'ils te jugent, ils te prennent pour juge. Il parlait Allah Ta'ala de qui? Du gouverneur. Il parlait d'une personne qui a dit au prophète, je n'accepte pas ton jugement car c'est ton cousin, tu l'as pistonné. Ce n'est pas un gouverneur, c'est un paysan, un jardinier, c'est tout. Et Allah Ta'ala a dit, il ne croit pas jusqu'à ce qu'il juge. Donc tout le monde doit juger avec l'islam. Et cette personne qui a dit ça, a dit sûrement une chose très grave. Dire au prophète, tu as fait du piston, c'est sûrement très grave. Et Allah Ta'ala a dit, je jure par moi-même qu'ils n'ont pas cru. Je jure, ce ne sont pas des croyants. Et pourtant, il n'est pas kafir. La preuve, quelqu'un quand il est croyant et il sort de l'islam, on doit lui couper la tête. Et celui-là, le prophète Islam, ne l'a pas tué. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a dit ça dans un état sous l'emprise de la colère. comme Moussa alayhi salam a jeté la Torah sous l'emprise de la colère. C'est cité dans le Coran où Moussa alayhi salam a jeté la Torah. Pourquoi il n'est pas devenu kafir? Je jette le Coran par terre, je suis pas un kafir. On va voir pourquoi je l'ai jeté. Est-ce que je ne reconnais pas ce livre où je voudrais l'avilir, ou bien je l'ai fait sous l'emprise de la colère au point où je ne savais pas ce que je faisais? Naam. La même chose quand on fait une chose sous l'emprise de la gaieté. On est tellement gai qu'on fait une chose. Aussi ça ne compte pas, et ça, tu ne deviens pas kafir aussi. Pourquoi? Comme dans le hadith, celui qui a retrouvé son chameau, qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon serviteur, je suis ton seigneur. Au lieu de dire, oh mon seigneur, je suis ton serviteur. Et quelqu'un qui dit comme ça, sûrement qu'il a fait du kofr. Mais il n'est pas devenu kafir. Pourquoi? Il a dit ça sous l'emprise de la grande joie. Sous l'emprise de la grande joie. Naam. C'est comme la personne qui, le jour du jugement dernier, lorsque Allah Ta'ala lui dira de rentrer au paradis, elle trouvera le paradis plein. Et Allah Ta'ala fait exprès. Trois fois, il va au paradis. Il trouve le paradis plein. Il va dire à Allah, oh Seigneur, tu te moques de moi? At-tastahzi bi? Hadith, il est dans le Bukhari. Et quelqu'un qui dit à Allah, tu te moques de moi, il est kafir ou il n'est pas kafir? Et pourtant, Allah a ri. Pourquoi? Il a dit ça sous l'emprise de la colère. Naam. Et la personne qui, lorsqu'elle voulait mourir, elle a dit à ses enfants, brûlez-moi, etc., pour que Allah Ta'ala ne puisse pas me grouper. Sinon, j'ai un grand châtiment qui m'attend. Allah Ta'ala l'a groupé. Il lui a dit, pourquoi tu as fait cela? Hein? Il a dit à Allah, j'avais peur de toi. Allah Ta'ala lui a pardonné. Donc celui-là, il a nié qu'Allah Ta'ala, il ne savait pas qu'Allah Ta'ala pouvait le grouper, même si on le brûlait et qu'on le jetterait à la mer. Naam, Allah Ta'ala peut te grouper. Mais il lui a pardonné à cause de quoi? Parce que c'était le djahl, il ne savait pas. Maintenant, si vous savez, les gouverneurs des pays musulmans, combien qu'il y a de djahl, et que la plupart, je peux jurer par Allah, qu'ils ne savent pas que c'est obligé de juger par l'islam. Et qu'ils ont des savants qui l'entourent, naam, des savants, des égareurs, qui les égarent. Ils leur disent, non, ce n'est pas obligé de juger par l'islam. Non, ce n'est pas obligé. Un mohim dans le talar, dans le zawaj, mais ce n'est pas obligé. Naam. Et lui, il ne connaît rien, le gouverneur. Il connaît l'islam. Il a la prière et tout juste s'il va au hajj. Mais il est égaré par certains savants, naam, qui ne lui montrent pas la vérité. Naam. C'est pour ça que Le Ma'moun, qu'est-ce qu'il a dit au temps de l'imam Ahmed? Il a dit que il faut dire que le Coran a été créé. Vous savez, celui qui dit que le Coran a été créé, c'est quoi son châtiment? Il est kafir. Car le Coran, c'est quoi? C'est la parole d'Allah. Tu dis la parole d'Allah a été créée. Alors tu vas dire la main d'Allah a été créée. Naam. La main d'Allah a été créée aussi. Astaghfirullah. Celui qui dit le Coran a été créé, il est kafir. Et pourtant le Ma'moun a dit que le Coran a été créé. Mieux que cela, il a dit à quiconque ne dit pas le Coran est créé, il meurt. C'était la grande fitna au temps de l'imam Ahmed. Et est-ce que vous avez entendu un savant dire que le Ma'moun était kafir? Est-ce que vous savez? Dites-moi. Vous tous qui êtes dans la salle, est-ce que vous connaissez un savant qui a dit que le Ma'moun était kafir? Alors que non seulement il a dit le Coran était créé, mais il a dit il faut que les gens disent qu'il soit créé. Quiconque ne dit pas, je le tue. Subhanallah. Personne n'a dit de lui c'est un kafir. Pourquoi vous savez? Parce qu'il a été égaré par les gens qui l'entouraient. Ils lui disent, les Mu'tazila qui étaient autour de lui, ils lui disent l'imam Ahmed et ceux-là, ce sont des gens de fitna. Ils disent aux gens, le Coran n'a pas été créé. Alors que Allah Ta'ala dit ceci, cela. Naam, il faut les emprisonner. Il faut ceci. Naam, et lui qui n'a pas d'in, le gouverneur, il l'applique. Il n'a pas d'in. Naam. Et, pour terminer, n'oubliez pas que quoi? N'oubliez pas que Al-Hajjaj ibn Yusuf, vous connaissez le grand tyran. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué 124 000. Naam. Entre qui? Entre les 124 000 de mon genre? Moi, le faible, l'ignorant? Non. 124 000 sahaba et tabi'in. Sahaba et leurs enfants. Le hadith qui dit 124 000 se trouve dans Sahih Abi Daoud et Sahih Tirmidhi de Sheikh Al-Albani. 124 000 tués par une personne qui s'appelle Hajjaj ibn Yusuf. Il a tué des compagnons et qui? Et leurs enfants. Dites-moi, est-ce que le Hajjaj ibn Yusuf, en tuant les 124 000, est-ce qu'il a jugé avec l'islam? C'est ça un gouverneur musulman? Il n'a pas jugé avec l'islam, hein? C'est sûr. Tuer une seule personne, Allah Ta'ala a dit, tuer un seul croyant, c'est comme si on avait tué toute l'humanité. C'est un verset qui dit que quiconque tue une personne, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et celui-là a tué 124 000. Aucun des ulamas, je défie que quelqu'un me dise un nom d'un alim qui a dit que le Hajjaj était un kafir. Subhanallah al-Azim. Et pourtant, Abdullah ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, a groupé ses enfants et a témoigné les gens que je fais allégeance. Je fais allégeance à qui? Al-Hajjaj ibn Yusuf. Malgré tout ce qu'il a fait, car le prophète a.s.w. a dit que tant que vous ne voyez pas le kufr, bawah, le kufr clair, clair, très clair, tant vous avez des délits d'Allah Ta'ala, burhan min Allah, alors, yani, ne dites pas qu'il est kafir. Non, car c'est vraiment grave, grave. Pourquoi? Parce que quiconque dit de quelqu'un qui est kafir, non, le kufr revient vers lui, a'udhu billah. Le kufr revient vers lui, a'udhu billah. C'est pour ça que si tu te trompes, il y a un kafir, il y a un juif qui s'appelle, je ne sais pas comment je vais l'appeler, je ne sais pas comment s'appellent les juifs. Non, il y a un juif, disons, il s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre, un juif, tu te trompes, tu dis il est musulman, tu te trompes, hein, tu dis il est musulman. Tu es mieux, celui qui a dit d'un musulman, il est kafir. Non, il y a un juif qui s'appelle Simon. Simon, et tu dis de lui, ou la David, ou la Maurice, tu dis, c'est un musulman, tu t'es trompé. C'est mieux que quelqu'un qui est musulman, tu te trompes, tu dis les kafir. Car en disant les kafir, khlas, tu vas faire fuir les gens de lui. Sa femme ne va pas l'hériter s'il meurt, ses enfants ne vont pas l'hériter. On doit l'enterrer avec les kuffars. On doit le tuer maintenant, il n'a pas plus le droit de vivre. Il s'est apostasie. Non. Et l'autre, quand tu t'es trompé, tu dis il est musulman, subhanallah, tu as donné des biens, tu peux le marier, il va hériter, subhanallah. Je vous donne rendez-vous, inshallah ta'ala, vendredi dans le concours, et inshallah ta'ala, samedi, dans les règles du mariage. Je vous remercie d'avoir écouté. Jazakumullah khairan. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il nous apprenne notre religion, qu'il nous ouvre les portes de sa miséricorde, et qu'il nous efface nos péchés et qu'il nous pardonne des fautes qu'on fait pendant toute la journée. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.